en direct des Mythique Studios Young Media. Vous écoutez l'épisode 7 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. L'élément départ pour le match de ce soir. Le numéro 75, JF Comp. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 24, Mart Véro, qui a changé de numéro. Le numéro 98, Alex Galipo. Le numéro 88, Alex Comp. Et le numéro 31, JF Mallette. Yeah! Yeah! We're back, baby doll! Bonne année, tout le monde! On a bonne plus le droit de le dire après ça. Bonne année! C'est ouais. Terminé aujourd'hui. Bonne année. La bonne année. Même que je dirais que le 23, c'est limite des bonnes années. Ouais. Oh, ouais, fuck on a, off, on a pris un gros break là, entre Noël et jour de l'an. Il fallait se remettre de notre épisode 6, Dave, moi et JF. Oh, oui, effectivement. Il a fallu dégriser un peu, on en parlera dans l'avant-match. Tout d'abord, disons que cet épisode de la soirée du podcast est une commandite de Papier Essuie-Tout Cascade. Yes! Septième génération. C'est une vraie commandite. C'est un papier. C'est 6 rouleaux. Commémorant les morts de Gilbert. Un chat. C'est pour ramasser les dégâts de mort. Ouais, c'est ça, c'est pour la bière de mort. Alors, ben, on va aller. Je m'excuse, mais c'est la soirée du podcast. C'est le podcast qu'on dit les vraies affaires. Ouais, c'est sûr. Ok, c'est bon. Avant de faire l'avant-match aussi, pour ceux qui nous écouteraient en direct live présentement, vous avez droit à la game classique héritage de 2003 entre le Canadien de Montréal et les Oilers de Edmonton. La fameuse game avec la tuque de Théo. La tuque de Théo. Le seul moment où il a eu l'air intelligent. Puis vous pouvez également admirer nos magnifiques t-shirts de la soirée du podcast. Faudrait qu'elle porte à TVA Sport. Ouais. Les t-shirts de la soirée du podcast, ouais, qui viennent de sortir. C'est tout chaud, là. Il faudrait que Théo porte ça à TVA Sport. Ça serait écœurant, là aussi. Après que JF dise que ses pantalons sont lettres. Insulté, son lettre à la TV. En vrai, ils sont sûrement super beaux, mais à la télé, qu'est-ce qu'ils sont lettres, même. Non. Alors, c'est le chandail officiel de la soirée du podcast. On va peut-être essayer d'en vendre au public. Il faut avoir un petit pot, savoir qui en veut, qui en veut pas. Là. En fait, on veut juste savoir qui en veut. Ceux qui en veulent pas, on s'en calisse. Ça va être également le gagnant du pool de la soirée du podcast. Ça méritera un magnifique t-shirt. Comme ça. Ah, calvaire le pool. Tout ce qui nous manque, c'est nos noms. L'affaire qu'il ne faut pas mentionner à la soirée du podcast, c'est le pool. C'est je vais en parler bientôt, d'ailleurs. C'est terrible, ça. C'est juste un pool. Des échanges, astille, j'ai pas fait ça. Moi, j'en viens. Okay. Moi, tabarnak, j'ai échangé. Tu vas en parler du pool? Ouais, dans l'avant-show. Ben, je vais en parler pareil, mais que t'en parles. Tu vas en parler, mais qu'en parle. Ah oh, ouais, c'est correct. Ça va être un bon moment, je pense. Tout, tout ce qui manque à nos magnifiques t-shirts, c'est nos numéros et nos noms dans le dos. Fait que ouais, ça s'en vient. On aura tous nos noms de famille, sauf moi et Alexandre. On va avoir J. Cromp et A. Cromp. Ah, c'est ça, vous autres, vous êtes spéciaux. On est comme les frères Cédine. Ah, vous êtes spéciaux. On choke en playoff, nous autres. Ou on est comme les frères Costitine, tant ça à la poudre. Là. La poudre, les putes. Ou les frères dans la ligne de ça. Tu sais, les trois frères bro. Les trois frères Probert. La vodka. Mort de bien connaître ça, les trois frères Probert aussi. Il n'y a pas trois frères. Là. Bob Probert et ses deux frères, sa gauche et sa droite. Oh! Oh! Ça fait un mois que je la prépare celle-là. Alors, check. Wow. Fait qu'on c'est va bon. Aller. On va aller le voir. Il me le dit à chaque dimanche depuis 4 semaines. Mort, il est numéro 24 à Star. C'est pour Probert. Je pensais que c'était le Jack Bauer. Lilo Delaine. Je pensais que c'était pour 24CH, moi. Ah, peut-être aussi. 24 Coupes. On cherche des commandites, tout ce qu'on peut. Alors, on va aller faire l'avant-match. Ouais. Bon, alors, comme c'est le premier podcast de 2015, je pense qu'il faut prendre un temps de recul et avoir une réflexion sur la soirée du podcast. On s'est fait passer des commentaires que... On était peut-être trop intense avec nos call-out, puis on était peut-être trop sur la brosse des fois. Puis qu'on était peut-être trop chaud à le dernier épisode. Ouais, ben oui, on se l'est fait dire. Des calls pas propres, Dave, sur certaines animatrices de RDS. Non. Bah, je me suis... Si ça rappelle pas, ça n'a jamais existé. Non. Fait que dans le fond, on s'est dit que pour enterrer tout ça... Non, mais on est beaucoup aussi axés à cette heure sur la violence avec notre goon, JF Mallette, qui nous entraîne dans une escalade de violence, qu'on perd les pédales, on call-out tout le monde. Ah, ça jouera bien, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'assagit? Où on continue. Non. Alors, je propose que Mart sorte le fort. Ben, ou encore enterrer la hache de guerre. Là. Oh, ouais. Le dernier podcast, on disait que peut-être que le monde était chaud un peu. Quoi de mieux que faire ça avec un bon shooter? Ben, dans le fond, là, c'est pour se dire que des fois, là, les commentaires désobligeants, ben, on s'en calisse. Les notes ou ceux du monde qui nous écoutent. En fait, c'est des commentaires. C'est ça long. C'est ça long. C'est des commentaires de gens qui nous écoutent pas, mais qui ont entendu parler du podcast, qui m'ont dit qu'on était intense. Fait que ce genre-là. C'est qui mange de la mort? Ouais, c'est de la même publicité. C'est du vrai, ça? Parlez-en, bon. Ouais, c'est vrai. C'est une histoire vécue. C'est une histoire vécue. Je ne nommerai pas de nom. J'ai le bruit, il doit avoir des choses à dire là-dessus. Ah ben, tabarnak. Exactement ça. Bon, l'iPad marche pas. Ok, on fait du temps. Oh, là. Pendant que Mart. T'es pas sur la bonne. T'es pas sur la bonne. Pendant que Mart sort le fort. Spiritueux. Voici ce que Gilles Proulx a à nous dire par rapport à nos commentaires. Moi, y aller avec un. Il mange de la calice de merde, Je vais y aller avec ce que le mot canadien dedans. Je vais être thématique. Puis pour qu'il y ait des carottes gratuites. On est audacieux. Je crois que t'en restes assez pour moi aussi. Un petit club canadien. Un petit club canadien comme le canadien. Club de hockey canadien. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les viandes? Dans un verre on de schnapps. On verse ça directement au haut de la console. Ouais, exact. Alors, voilà. On sait que Mart est bon pour faire des dégâts. Bon, mais pendant que Mart... Bonne idée de le faire verser. Mais là, t'as la limite facile. Des goûts, là. Pendant que Mart... Les gars... n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Un Saint-Rémy? T'as le droit. C'est bon. Morgan, avec ça. T'as un peu tout. On va le faire donner à Saint-Rémy. On va te déglacer l'estomac. Ah, vas-y, on va n'importe quoi. Pendant que Saint-Rémy, c'est costaud, ça. Pendant que tu sers un petit... C'est un brandé. C'est comme un cognac. Shooter, donnons donc les... Ça, tu viens fucké quand t'es chaud là-dessus. Même pas commencer le match, même pas capable de parler. Non, il est pas capable. Il est pas capable. C'est un bon, ça, Marc. Oh, ça sent, hein. Alors, donnons les résultats tout de suite du pool de la soirée du podcast. En ce moment, alors, en cinquième position, Pierre-Yves Giacometti. Quatrième position, Mathieu Gélinas. Troisième position, Jacques Germain. Deuxième position, Steve Fortier. Oh, qui a été détrôné. Et en première position, Samuel Lachaine. Quelqu'un tu connais, ça, Jeff, je crois? Ben oui, c'est mon neveu qui étudie en journaliste, puis crée-moi, il n'y aura pas bizarre à tasser du monde. Bon, lui, tu l'aimes. Lui, ça va être correct. Un jour, mais t'as peu, là, t'as peu. C'est mon neveu, puis il a pris du meilleur. C'est ton neveu. C'est ton neveu qui est premier dans le pool? Troisième, OK. Non, il est premier. Il est premier? La chaîne. Il est premier. Il est passé. Ah ben, sacrément, on va l'appeler. Samuel Lachaine, c'est ton neveu? Ouais, c'est mon neveu. Il est premier dans le pool, fait que ça veut dire que s'il gagne, ça coûtera même pas de shipping. Oh! On sauve l'argent ce qu'on peut. Let's go, Lachaine! Fait que... Pour ce qui est de nos positions honteuses à nous autres, JF Mallette en 12e position, Martin en 14e. Tu peux arrêter après ça. Moi-même en 16e, Alex Galipo 27e, Alex Combe 33 et Dave Thibodeau 34. Dave, t'as remonté, c'est quand même possible. Ouais, j'étais plutôt remonté. T'as remonté de 10 places, toi, quasiment. Moi, là, je veux dire de quoi. Ouais. J'ai fait un échange au mois de janvier. OK. J'ai échangé un goaler contre Pekka. Oh, tabarnak. Hein? Puis il s'est blessé, man. Genre deux jours après je l'ai changé, je pense que c'est blessé. Boom. T'as un peu c'est quoi là ton trade là? Je me suis un peu un goaler poche que j'avais là. OK. T'as été chercher Pécoriné. Oh, ouais. Puis il s'est blessé. Il s'est blessé deux jours après. Il est revenu là. Mais non, non, c'est vrai, si c'est vrai, c'est chose qui a goalé à dernière. Au mois de mars. Ah! Ah, good for you, Dave! Alors, les gars! Fait que dans le fond, c'est des excellentes positions de podcast. Faisons notre shooter, je crois. Ouais, c'est bon. Débarrassons-nous de ça pour commencer l'année. All right. Toasto. OK, Toasto, let's go. Allez! Oh, ouais, calice! Je dédie ce shooter à nez rouge. Oh, my God! Yeah! Ceux que t'as rincés, genre, là. Ouais, d'ailleurs... Oh, my calice, ma lettre, l'a même pas fini, ici. Oh, pour vrai? Ah ouais, ah ouais. Ah, c'est bon, c'est du Canadian Club. Ah ouais. IGF, passe-nous Fight Fire with Fire de Metallica. je peux te mettre tatou si tu veux, par exemple. Ah, ça, bah ouais, ça, craque-nous dedans, ouais, non. Un petit tatou pour GF. Ah non, ouais, non. Ouais. Fuck game. Oh! Quelqu'un qui a de la gomme. Bonne gorgée de bière. Fait que GF, pour faire un mini-retour sur pour l'épisode 6... Malek, tu n'auras plus jamais de... Soyez tous... Alex, t'étais supposé faire ton move de... Soyez tous rassurés, JF est revenu avec Nez Rouge. Ouais. Je sais pas si tu veux nous conter ton histoire, moi, JF. Moi, j'avais un lift, fait que... On était tous très propres, là. Moi, j'ai tombé en pleine face en ramassant le studio chez nous tout seul, fait que c'est correct, là. Moi, c'est moins bien. Dans le char, dans le fond, là, quand j'ai embarqué, là, c'est le blackout total. Mais ce que je me souviens, là, c'est d'une couple de petites affaires. La première chose, c'est que je m'ouvrais les yeux tranquillement, puis je vois la madame de Nez Rouge qui me dit « Ah, tu tues un sac? » Moi, j'étais de même, là, puis... puis après ça, je me souviens que j'arrive chez nous. Je sors de mon char, tout est correct. Puis j'entends une autre voix qui me dit « T'as bien fait de nous appeler. » Fait que c'est ça, ça m'a coûté 100 pièces de nettoyage. Puis un petit conseil, les boys, ne mangez pas de PFK avant de boire du Genos. Oh my God, Chris, ne mangez pas de PFK. Mangez pas de PFK, chaque mois. Je comprends même pas comment ça, c'est encore au bar. C'est à cause des gars comme toi qu'il y a du PFK encore au bar au Québec. Ben oui, Chris, c'est juste eux autres qui font plus du Robanier. La dernière fois que j'ai mangé du PFK, je pense que c'était à Robertsonville, genre en 2002. À Robertsonville. Super précis. Moi, je m'en rappelle même pas. J'aimerais préciser que j'ai donné 5 pièces à Nez Rouge. Pas pour vrai. J'y pensais. Chris, non, non, non, c'est vrai, j'ai donné 20 pièces. Ouais, t'as donné 20. Moi, j'espère que je me suis pas trompé. Le pire, moi, ce que je me rappelle le plus, c'est avant que tu partes pour Nez Rouge puis qu'ils t'attendent des marches puis qu'on arrête pas de leur dire que t'es chaud, ben raide, puis que tu devrais leur donner genre 5 pièces. Puis je dis, vous en pognez des spéciales. Hein? Puis j'ai dit, ah, vous allez voir, lui, c'en est un spécial. J'ai pas compris, c'était pas ça. Je les ai comme préparé, puis après ça, t'as descendu les marches comme à côté sur le mur. Genre. Ah, tu vas légèrement. C'est des choses qui arrivent. Fait que suite à cette aventure de boisson de JF, on a ceci à dire. Il est mieux de comprendre. Alors, ça, c'est fait retour. Mais là, Jeff, tu vis comment avec ça? Ouais, on voulait avoir ton historique de boisson. Ah, tu vis comment? Ah, ben, dans le fond, honnêtement, moi, ma boisson personnelle, c'est la tequila, puis j'ai pas de trouble avec ça pendant tout. Ah, parce ben, que j'en ai! Je pense qu'elle tu n'as aussi. Non, non. J'aurais bien pris le verre, dans le fond. Il a pris sa leçon. Nasty, ah, non, non, le problème, c'est que c'est le changement de température. Ah, oh, ouais, ah, bon. Je suis rarement. C'est tous des facteurs extérieurs. C'est pas PDH, bon. Je m'attendais plus à que tu dises genre, ah, il y a quelqu'un qui a mis de quoi dans mon verre ici. Ah non, pas pantoute. Moi qui n'étais pas ici, fait que j'étais correct. Ah, ok. Fait que lâchons le cas de GF et tombons un peu sur le cas de Mart pour quelques instants. C'est bien. Dave, cette semaine, faisait des recherches pour les fontes, pour le chandail. Ouais. Et est allé voir la page Facebook des Leafs et quelle ne fut pas sa stupéfaction devant la tête de Mart qui hey, like ouais. Les Leafs. Friends who likes the Leafs. Il avait juste, au moins, il y avait juste lui. Fait, avec la petite photo. Pas des mauvais amis. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est Mart qui nous a envoyé une photo de lui après ça avec un t-shirt des Leafs. Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre, Martin, de tout ça là? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien dégueulasse. À t'es, t'es un espion, hein? Tu checkes ce qu'ils font. Hein? C'est dégueulasse. C'était pas toi cette semaine qui a lancé son t-shirt sur la glace? Ça aurait dû être toi, ton chandail, tu aurais le brûlé. Non, non, là, c'est. Écoute, j'ai pas d'explication pour ça, ok? J'ai pas d'explication valable. On fait toutes des erreurs, hein? On fait toutes des erreurs, on s'accroche tous les pinceaux, hein? Tu mérites une amende. On s'accroche tous les pinceaux. Asti, il est fort avec ses expressions. Moi, j'aime ça. Là. Oh, ouais. À chaque semaine. Ben, chaque podcast. J'essaie de me réinventer un peu tout le temps. Là. Répète donc, j'ai déjà oublié. On s'accrochait les pinceaux qu'on dit. S'accrochait les pinceaux. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu ça? Non, oui. Mais les pinceaux. C'est vieux comme le monde. Les gens tremblaient. Il faudrait qu'ils te consultent pour l'an 50. Ça serait bon. Ah, ouais, Asti, j'ai une liste de patois là, en plus. Moi, là, il suggérait. Là. Avec Morissette. Avec Morissette. Ah, j'aimerais ça avoir les audios des épisodes qui sont commencés. Morissette, là. Ah, moi, c'est enregistré. Morissette, là-dedans, il joue son une rôle. Tapette. Ben, il joue. Ouais, mais à part le fait qu'il tapette, il joue son rôle. Là, parce qu'il joue un gars qui fait des stéroïdes, puis qui a un problème, là, puis qui est un fighter. Là. Il joue son ben, rôle. À date, dans sa vraie vie, est-ce qu'il paraît qu'il est pas gay? Moi, j'écoute. Non, non, c'est ça. Ben, moi non plus. Je le vois juste dans les pubs. Ben, il passe les pubs. C'est pas compliqué. TVA passe que ça comme annonce. Ben, c'est pas compliqué. Il n'écoute pas. Il passe des bouts de TVA. J'écoute pas TVA, pas pour les beaux malades. Il passe des bouts de TVA. Ah ouais! Parle-moi pas là-dessus, si je parlerais des beaux malaises pendant une heure. Hey, lui, ouais, tu tapettes? Bon, fait que les gars, avant de commencer la première, j'ai un dernier point. Bon. Un élément de décor que je voudrais ajouter à la soirée du podcast que j'ai obtenu entre Noël et Jour de l'An. D'ailleurs, c'est à côté de Mart. Mart, si tu veux prendre, il y a un petit poster roulé à côté de toi, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben... Enlève le... Ah, tu nous fais des petites cachettes. Ouais, enlève l'élastique, puis ouais. J'aimerais que Mart montre ce qu'on a ici. Non, non, non, montre-le. Ouais, montre-le à nous autres. Que t'es crosseur. Spécialement pour Martin. Hey, Dave va être content. Ah, c'ti. Le poster de Saku Koivu signé qui prend sa retraite. Sacrement, c'est où t'as pogné ça? Au Centre Bell, mon père était là quand on... Puis il l'a fait signer par Saku? Ben, il a dû être signé par avant. C'est un print, là. C'est un print, là. Ah, c'est-tu que t'es naïf, Alex? Ben, c'est pas moi, Chris. Ça aurait pu. Fait que je l'ai gardé spécialement pour Martin aujourd'hui. J'en ai un chez nous, moi aussi. On va le faire laminer, puis on va l'accrocher quelque part, là. On va laminer. Question que Mart se rappelle qu'il a juste passé. Ah ouais, ici, on lisine pas. J'ai jamais dit qu'il a juste passé. Ok, faut-tu que je ressorte les game tape ou. J'ai jamais dit qu'il a juste passé. Il a jamais dit qu'il a juste passé, mais. Il a tellement dit ça. Il a tellement dit ça. Mais pas dans ces mots-là. Il a dit ça dans ces mots-là. Jamais dit ça de même. Il s'est pas mêlé dans ses pinceaux ce fois-là. Vous avez pas compris le sens de la phrase. J'ai dit, ça devait être trop. Ça devait être trop. De ton idole. Ouais, ça devait être trop. Il était en train de virer le coin. Ouais, Chris, c'est pas grave. Laminé, là. Man. Ouais, s'il est tout viré, là, ça a plus de valeur. Là, là, arrêtez d'interpréter là, mes paroles là, comme des affaires. Là. Puis, dites les vraies choses. Je veux juste dire aussi chapeau aux Canadiens de Montréal qui font encore la tournée des hôpitaux durant le temps des fêtes. Ah, ben ça, ils n'ont pas le choix. C'est la seule là. Photo exclusive qu'on a eue cette pour année ça. À la soirée du podcast. Et, on avait trois joueurs du Canadien à l'hôpital de Montréal pour enfants. Ma mère nous a envoyé ça. Là. Son étage, il y avait Carey Price et deux joueurs dont elle ne connaissait pas le nom. C'était qui? Je pense que c'était Tom Gilbert puis genre pas Emeline Heller. Oh, ouais, je pense que c'est ça. Mais non, mais il y a GF qui a une photo avec Mount Trump. Oui, ouais, c'est vrai, GF qui a rencontré. Deux photos exclusives, ce sera les seules. Ce sera pour, ouais, probablement les seules. Pour le moment, on va travailler là-dessus. Michel, y es-tu pour un changement d'huile? GF, il fouille dans les comptes. Michel Villeneuve. Ouais, puis il fuck leurs stats pour qu'ils viennent, tu sais. Change le kilo. Puis, ouais. Pendant qu'un changement d'huile, là, il va s'asseoir à côté, elle peut fouiller dans le coffre. Hey, la gueule, tu sais, cherche des stratégies, là. Ouais, c'est ça. Alors, sur ça, on commence la première période. Ah, c'était pas commencé. Non, c'était l'avant-match. Si, balac. Ah. Ben, tu sais, ils font une demi-heure, habituellement. Passer à Zamboni. Ouais, ouais, puis, tu sais, on a quand même fait un mois sans OK, podcast, c'est comme les tirs de warm-up, là. Ah, si on se réchauffe, là, on tire sur le goaler, on défonce des bivitrées, alors voilà. OK, ben, je vais me chercher un autre bière d'abord, comment c'est? Bon, ben, on va comme... juste là. Ah, je suis là! Bon, ben, la prochaine ajout va définitivement être un mini-frigidaire dans le studio, je pense. On n'aura pas le choix. Moi, je pourrais laisser à 15 ou 17, ça me dérange pas de boire ta bière. Je l'ai fait un subtil, il n'y a pas personne qui s'en est rendu compte. Good. Moi, je veux le petit fridge Gibson, là, où je sais pas trop. Ah, Marshall. Marshall, ouais, les amplis Marshall, t'es cœurant. Alors, commençons. OK. Fait qu'on va faire nos plus et nos moins de la fin décembre et puis du mois de janvier. Alors, Alex, vas-y avec ton premier plus. Non, Alex Gromp. Non, c'est toi. C'est toi. Je vais commencer. Comment les boys? Je vais commencer d'abord. OK, vas-y donc. Mon plus, il va plus pour les dernières games en général, là. Pacioretty. J'étais pas prêt. Il a genre 7 buts en 7 games, en affaire de même. Il est vraiment dans une bonne période. Il va super bien. Puis c'est ça. J'ai rien de plus à dire que Pacioretty. Ah, puis j'ai un plus aussi pour collectif pour le power play. Ben là, c'est qui va s'arrêter mon moins jusqu'à la dernière game. Ah, ben, mon moins, c'est le power c'est play. Ça, c'est ça, mes moins. Pour les dernières games, je dirais le power play là, qui a débloqué dans les 2-3 dernières parce games. Parce qu'avant ça, c'était les c'était moins. C'était dégueulasse. On avait 5 par game, ça ne faisait rien. Ah, ça a débloqué dans la game qu'on perdait contre Columbus. Parce que non, Mart, avec tes plus, ton ou tes plus. OK, les plus, il y en a un. Il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que Price, on peut plus le mettre dans les plus, OK? Là, on voudrait le mettre dans les plus. Parce que Price, là, il est allé chercher les plus. Price, il a tout le temps la coupe. Non, parce que Price est allé chercher les plus jusqu'à la fin de la saison de la soirée du podcast, là, anyway, là. Ouais, on est mieux tout avec Chris Gare. C'est le plus automatique. Gars, c'est pas compliqué, il m'a accroché. Price, là, il est comme d'un écrin, man, style, là. Puis il est comme entre style le bœuf, puis c'est comme le petit Jésus. C'est comme bébé Jésus, Calis. Il entre le bœuf comme un petit Jésus. Il n'arrive pas à faire des références de crèche, lui, là. Je pense qu'il veut dire un grand écrin. Un écrin. Un grand écrin, man. Un grand écrin. Ok, mais d'abord, il est entre la Vierge puis le bœuf, man. Si on peut pas donner Price, c'est petit bébé Jésus, man. Tu donnes à qui? Si je le donne pas à petit bébé Jésus, je le donne à Pacioretty aussi parce que Pacioretty il commence à se révéler comme étant le capitaine des Canadiens présentement. Vraiment, il prend la place. Mais en plus, dernier game, je te dirais, le dernier game depuis le retour du congé des fêtes, là, il joue du Chris de hockey. Ah ouais, puis il step devant les médias, puis il prend toute la charge. Là, fait que c'est ça, c'est le plus. C'était le lendemain des fêtes? Ouais, là, on est comme distrait un peu par la TV. Vas-y, donc, Alex, avec ton ou t'es plus. Il y a un moins. Je sais pas, là, tu m'as fait des signes. Juste des plus. C'est lui, là. Vas-y, OK, mais vas-y, JF d'abord. Vas-y. Ouais, c'est juste des plus. Ben, moi, les gars, de la marde, je vais donner mon plus à Price. T'as pas le droit. Ah, si, tabarnak. Je te l'ai dit, c'est petit bébé Jésus. Attends, moi, j'ai acheté les numéros pour mettre dans ton dos. Toi, c'est le 31, OK, c'est ça. Mais vas-y, j'aurais une petite prédiction à vous faire pour commencer pour Carey Price. Une coupe. Une coupe à Montréal. Lui, c'est pas le petit Jésus, c'est Jesus. Ouais, Jesus. Mon docteur s'appelle Jesus. Jesus les qui, gars, Chris? Carey Price, là, s'il maintient le rythme, un peu sérieux. S'il maintient le rythme, il va gagner le Vézina cette année. On s'entend-tu là-dessus? Ah, vraiment, c'est sûr. C'est sûr. Il est dans les top 3 quand même. S'il maintient le rythme, il va avoir sa meilleure saison à vie. Carrière. Il est en train d'égaler. Là, il est égal à sa saison passée, je pense. Puis imagine-toi donc, vu que tu me dis ça, tu me fais penser à quoi? L'année passée, il a connu sa meilleure saison. Puis là, cette année, il connaît encore sa meilleure saison, imagine l'année prochaine, puis l'autre année d'après. Meilleur. Hey, puis c'est quoi, pis, imagine dans 5 ans. Ah, si, on va gagner la coupe. Non. Mais non, mais ce que je voulais en venir, là, c'est qu'on est une des pires équipes qui a marqué des buts en première période. Ouais, fait que grâce à Price, on a des chances de gagner. Puis je vous dis tout de suite, là, si quelqu'un veut mettre 20$, Price gagne le Hart cette année. Goaler gagne le Hart. Oh, j'ai le goût. C'est qui le dernier Goaler qui a gagné le Hart? Que Price gagne le Hart cette année. Si quelqu'un veut gager 20$, je dis que Price gagne le Hart cette année. C'est qui le dernier Goaler qui a gagné le Hart? Ouais. Je m'en vais chercher ça. Je pense que c'est. Eh, hey, boy, qui veut prendre ce bête-là? Dites-moi pas. Non, pas José Théodore, Esti. J'ai mis de la poudre sur le bout de la coupe, Esti. Je vais demander. J'ai même pas gagné la coupe. Je vais demander d'aller dire sur le bout de quoi. J'y avais mis de la poudre sur le bout de la coupe. T'es-tu prêt à perdre 40$ cette année? J'espère que t'avais pas la coupe au lait. Combien de canettes en passant? 33. Déjà? On t'a mis saison à peu près. Là. Ouais, ça, 33-34. Ah, il va faire ses 20 buts, c'est la sûr. La jupe, elle s'en vient. C'est quoi ses 20 buts? 50 points. 32. Ah, c'est sûr qu'il le fait, Chris. Un plaquant c'est un gars de 60 points. Non. Il a fait 4 points. Il a fait 4 points dans la dernière game. Il a fait 4 points la dernière game, mais il a pas fait 2 points dans les 3 dernières semaines. Il est full dedans. Fait qu'avez-vous fait d'autres plus ou c'est non, c'est vraiment là, je suis fier de toi Carey. Hamma, c'est un en indien ça dit bravo. Les boys, le dernier à avoir gagné le Hart Trophy. Hey, je suis Charlie le moi là. Le dernier gardien à avoir gagné le Hart Trophy. Ça fait un bout de certain José Théodore. Ouais, c'est non, non, non, non, ouais, je sais. José. C'est quoi en 2006 ça? En 2002. En 2002. Celui qui est à télé présentement avec la tuque d'ailleurs. Tabarnak you. Eh hey, oui, c'est vrai. C'est Joe aussi le dernier goaler. Ça fait longtemps. Le Hart, là, c'est rare, c'est des goalers. Là. C'est vrai, c'est rare. Moi, le prendre ton bet. Ben avant ça, c'est à chèque. Yes. Bon, ben un autre bet de prix. Y a-t-il quelqu'un qui a tombé, ici? Je suis chaise à ramasser. Ouais, le gars qui capote, que quelqu'un a pris. Ouais, d'après moi, c'est un des fantômes du forum. Alexandre, vas-y. J'ai tellement d'argent, ça attend, moi. Hein, hey, toi, là, sérieusement. Là, Avant de poursuivre hey, comme... plus, JF, c'est la dernière semaine que tu peux donner Price, par contre. Là. Comment Martin, ça contacte la firme Raymond Chabot? À mi-saison, je sentais le besoin de dire à Price qu'il fait une excellente chose. Ouais. Je crois qu'on n'avait pas calé la règle, mais c'est pour les prochains. Hey, checker les cheveux de Julien. On peut mettre au moins, par contre. Il y en avait? Il est dégueulasse, man. Vas-y donc, Alexandre, ton plus. Il y a la coupe du gars dans genre l'émission plate, là, King of the Hill. Hey, Ty Conklin, c'est qui gaulait. C'est vraiment pas intéressant ce que tu racontes. Vas-y, Alexandre. Chris de Has-Been. Paturity, tu sais, on n'a pas le choix. Ben, moi, toujours, j'aime ma femme. Il y a Hockey Man dans Chatroom qui dit même le Hart pour Price. Oh, il veut se prendre le bet, lui, avec. Il veut se prendre le bet, Hockey Man. On attend la réponse. On va le prendre avec. Non, c'est pas vrai. Hey, Slacky est bête, là. Bon, ben, moi aussi, je vais donner le plus à Paturity, là. Pacho, gars, y a pas. Ça va être un qu'on aura quasiment. Mais pour le moment, j'ai YouTube dernier à Lille. T'as dit qu'il quand même. Ouais, c'est vrai. Il y a du Pacho. Moi aussi, je donne à Pacho pour sa constance. Pis, bon, tabarnak. Tu vois que c'est un des tops de la ligue quand même. Là. Première fois qu'on est vraiment tout comme ça. Ah, il est plate, le show. Non, mais je vais donner un plus qui date du mois de décembre, mais le retour de Bournival. Oui, ça c'est Bournival a bien fait à son retour. Là, je sais pas, dans la game, s'il a bien performé. Là, Beaulieu, je pourrais donner un plus. Ouais, c'est placé quand même pas mal. Ouais, mais là, on va donner 15 plus, Carlis. On peut donner autant de plus qu'on veut. Ouais, Ah, je savais pas, là. Boule c'était quoi? Boule Goyette. C'est une brocheuse. Dans King of the Hill, je sais pas quoi. Boule, ouais. Lui qui a la camisole, là. C'est Sam à Claude Julien. C'est vrai, ça. On va vous faire une belle image cette semaine pour comparaison. Un beau mème, là, comparaison. Bon, on est rendu à nos moins d'abord. Alors, qui a commencé? C'était Dave ou Martin? Ouais, Dave. C'était Dave qui a commencé. C'est quoi ton moins? Vas-y, Dave. Mon moins, esti. C'est sûr que ça va à défense. Non. Moi, je pourrais partir le balle. On va le donner à Heller, man. On va le donner à Heller parce que j'avais donné mon moins au début de la saison. Il m'a donné la chance d'y redonner un plus. Puis il faut fuck all. Je pense qu'il y a fucking moins 2-0 points dans ses derniers 5 matchs. Il fait rien de moins 2-0 points. Il fait fuck all. Ouais, mais il joue pas, man. Il joue pas beaucoup, là. Ben là, mais il joue pas. Juste à toi, puis ça à 4. Il mérite même pas de jouer. Juste à toi. Non, il mérite de jouer, mais. Non. Vous êtes dur, hostie. Pour moi, c'est une grosse déception, man. Ouais, tu t'attends à quoi? C'est son talent. Tu t'attends à ce qu'il score 20 buts? T'es où? Non, mais. C'est pété la gueule. Pourquoi pas? Ouais, il. Ça je pense qu'il y a peut-être le talent pour, mais à Montréal, ça ne marchera pas. Décolle, ça ne marchera nulle part. Il est topé, ce gars-là. Ben, je sais pas. Il est topé. Il faut faire point aux autres équipes que ça marcherait pour qu'on puisse l'échanger. Mais anyway, Heller, déception. Tu ne l'échangeras jamais, ce gars-là. Ben oui. Non, je comprends, mais... Non, tu vas l'échanger, mais tu n'auras rien de bon en retour. C'est ça, là. Tu n'auras rien pour Heller, là. Exactement comme pour... Michel veut Si tu l'échanges, c'est genre d'un méga package deal, là, puis il va peut-être avoir de quoi. Mike, il veut l'échanger, mais en même temps, il faut que tu fasses... T'échanges pas ça one-on-one. Hey, il dit qu'il vient de donner un contrat de 4 ans à 4 millions par année. Oui, mais l'année passée, Chris, pendant la série, tu l'échanges pas one-on-one, c'est sûr que tu le mets d'un package avec des gogos, puis peut-être qu'il y a une équipe que... Mais t'auras pas tant que ça, moi, je suis sûr, avec lui, même d'un deal, là, c'est-tu. Moi, je suis patient avec. Mon moins, là... Un gros moins aux hosties d'arbitre qui se pètent la gueule dernièrement. Là. Le gars qui vomit sa glace, yeah, qui se pète les côtes. C'est dur à dire. Le gars, c'est sûr que moi, le moins, je le donne à la défensive. Hostie, là, carrément, complètement, là. Tout à défensive? Non, pas toute la défensive. Ben, écoute, le power play, ça va bien. Là, pareil. Là. Charge, c'est correct. Mais ben, Markov, Subban... Les vieux. Ben, écoute, puis Subban, là, on s'entend, là, parce que là, on a fait un crise de bout qui avait pas de podcast. Là. Mais ça n'a pas été ses meilleurs non plus. Là. Ouais. Fait que... Ben, il y a eu des up and down. Écoute, il y a les trois défenseurs qui restent, là, que ce soit Gilbert, que tu l'interchanges avec Weaver, gars, c'est de la merde, là. C'est de la pendant qu'on montre à l'écran la comparaison entre Claude Julien et Bull de... Ouais, ben d'accord. On a un crise de trou, là, on a un ravin, là. On prend trop de shots, c'est de la merde, je pense qu'on a un bon... Ouais, ben, j'ai vu. On a un bon coach de def, quand même. Je pense pas que ça a changé des joueurs. C'est vraiment... Faut que les gars, ils se réveillent. Non, mais ça plaque plus, man. Il y a plus de robustesse. Mon moins, c'est ça et tout. C'est que ça joue pas rough dans notre zone. Le seul il y a qui personne qui paye peu, le c'est, prix. C'est Pross, mais pas en défensive, là. Ben non, mais en défense, encore, quand il y a du monde traverse la ligne bleue, là, il y a plus personne qui mange un cross-check. Il y a plus personne qui mange un gros hit. Il y a plus personne qui frappe. C'est un bon point, ce que Marty dit. Personne n'a peur de rentrer dans la zone du Canadien. Subban n'est plus physique. Emlyn n'est plus physique. Emeline, là, le monde avant, là, la première année qui est arrivée, le monde, ouais, il rentrait tout à gauche aussi parce qu'il avait peur de rentrer de son bord. Mais non, tabarnak, il savait qu'il allait se faire pincer. Emeline Boom. Il pince plus, man. Il n'y a plus des ça pince ils plus. Sont où les il y a plus de piquer souvent. C'est Emeline. Emeline Boom. Ben, c'est Emeline, je veux jouer du hockey puis j'essaie de me tenir. Mais lui, il a un gros problème de confiance et tout, là. Ouais, son jeu est pas à 100% parce qu'il a peur de commettre une erreur. Je pense que c'est lui qui l'a dit d'ailleurs qu'il avait un problème de confiance. Ben oui, ben moi, c'est mon moins en tout cas. Il veut pas lui. Commettre d'erreur. Ben, ça a arrêté mon moins. Même pas ton tour, deuxième choix avec Heller. Pas grave, je le dis. Tu sais. Hampton. C'est pas à toi. Ben, dans le fond, j'irais avec les deux en même temps. Ouais. Lars Eller, c'est combien de temps qu'il est à Montréal? 4-5 ans? L'harceleur sexuel. Monsieur Zellers. L'harceleur sexuel. Ouais, je pense qu'il est temps qu'on s'en débarrasse. On peut pas au début, je disais Plekanec qu'on devrait s'en débarrasser, mais là, je pense que Eller, là, il fait pas oh, le job, mais oh, pas abandonne. Plekanec, tu le gardes un vire capot. Plekanec, tu as changé ton fusil d'épaule. Ouais, un réveillement, c'est à 80 degrés. C'était sûr. Qu'est-ce qu'il y a? T'es rendu que tu l'aimes, man? T'es bandé Plekanec aussi. Bandé Plekanec. Wow. Plekanec. Plekanec dans le top 5 du Canadien. Il fait des petites ouais. folleries. Ouais, comme d'habitude. Tu le mets ça mais, en mais, t'avais raison. Non, t'as fait un comment l'autre jour quand on jasait tout ça. Puis c'est comme rendu au playoff, il va jouer comme une astite sissi. Vous savez bien, peut-être. C'est ça le problème. Mais s'il y aurait un rôle moins important, je pense que Plekanec serait très utile sur un troisième trio, par exemple. Là, il est très utile sur le premier trio. Là, il fonctionne. Ouais, parce qu'on n'a pas rien d'autre à Montréal. Ben ouais, on avait Galchenyuk que tu disais l'autre jour. Ben oui, mais Terrien, il a dit quoi? C'est pas ça qu'il voulait dire. Galchenyuk, on va en parler en deuxième. Son numéro 100 de retour à l'aile, on en parlera tantôt. Puis mon autre moins, c'est sûr que c'est Alexis Yemlin. Ce gars-là, il a un petit problème en des deux oreilles. Je pense qu'il mérite 3-4 tape sa gueule puis après il va se réveiller. Ouais, mais il y a trop de temps, il y a trop de responsabilités pour ça ce qu'il fait. Ça fait péter. Il y a une blague, ça marche. Ouais, c'est vrai, Chris a une gueule en plastique ou un ah, ouais, pénis. Ah lui, c'est tout le temps comme dur passer à l'aéroport. Là. Vraiment là, Bergevin, ça c'est deux contrats que t'as donné l'année passée là, c'était pas tes meilleurs deals. Là. Ouais, mais hey, tu peux pas prévoir, hey, man. Emeline. Mais non, mais faut que t'évalues tes joueurs. Ouais, mais t'as peu. Quand il avait donné le contrat de 3.5 à Desharnais, là. Tu sais, quand il avait donné le contrat de 3.5 à Desharnais, là. Puis là, avant que le gros Coderre, là, il se mette à péter une coche, là. Chris, tout le monde se disait tabarnak, Bergevin, tu t'es planté en sacrement. Puis hey, moi, là, sérieusement, je regarde Desharnais, puis je me dis tabarnak, c'est finalement. Pas valant, il gagne son 3.5. Hey, Darnay. Non, mais j'ai une question. Ouais. Moi, je suis impressionné. Emeline, il vaut à peu près 4,4 millions. 4,1. Ouais. ou Georges. Ouais, mais un défenseur. Ah, c'est sûr, non, Georges. Ah, non, non, non, pas moi. Je me débarrasserais pas de Mellon, par exemple. Moi non plus. Je me débarrasserais vraiment pas. Moi, non, mais je pose une question. Sur un troisième pas de défenseur, j'irais avec Tenordi à place de Yamblin parce que Tenordi est bien plus physique que Tenordi. Ta question, Dave, là. Ta question, là. Tu veux tous les turnovers qu'il fait, Yamblin, sa pote, qui risque de sens. On dirait qu'il joue du mauvais ballon. Ouais, non, mais c'est parce qu'il. Ouais, non, c'est même pas une question de patience. On est rendu à la mi-saison, on se bat pour une place à Saint-Denis. Moi, je vise la course. On se bat pas pour une place à Saint-Denis. Non, c'est pas une question. Alex, excuse-moi, mais tous les clubs se battent pour une place à Saint-Denis. Alex, c'est pas une question de patience, c'est une question de. Le gars, il en demande trop, man. Non, mais parce qu'à il y a trop de responsabilités pour lui. C'est qui en demande trop? Le coach? C'est le coach, oui, parce mais que... Mais c'est ça sa job, frapper, esti, puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il souffle dans la face des joueurs. Ouais, mais c'est parce que moi, je te dis, là, je te dis, GF, là, je te le dis, là, ce gars-là, là, il a comme un call de pas sortir de la game. De, parce que quand tu vas frapper un gars, quand tu vas le pincer, automatiquement, souvent, tu te sors du play un peu. Là, moi, je compte. Pas un gars qui sait comment jouer, à se positionner. Ouais, mais il a pas ce talent brut, là. Emelin, c'est un 5-6, puis il joue 3-4. Ben là, il joue comme un 9-10. Wow! Je le sais, je suis d'accord avec toi. Non, ça, oui, okay, ça, ouais. Combien de buts il a donné? Il joue vraiment pas bien, mais je parle généralement parlant dans l'œuvre. Je donne mon moins présentement aussi avec Heller, OK? Mais dans l'œuvre, c'est pas un... Ah, mais dès qu'il va recommencer à souligner son bassin, c'est un 4. C'est un 4-5, Emelin. Il a pas les hanches flexibles de ce temps-là. En tout cas, avec GF, il faudrait qu'il prenne la glucosamine. Soit ça ou des cours de chat-chat. Ben, moi, dans le fond, c'est ceux qui font pas un job. C'est pas compliqué. Mais depuis le début de l'année, t'as voulu échanger en crise des joueurs. Puis, à date, ils sont quasiment toutes parties. Là, on est rendu à un autre niveau. Vous voulez changer Plecanes, des harnais, Emelin. Je serais pas surpris. Tu sais, à un moment donné, faut que tu donnes comme un 20 games sur Madrid. Tu sais, on a donné à Scott Gomez deux saisons. Hockey Man dans le chatroom, il nous dit le DVD de hockey de Joël Bouchard pour Emelin. Ben ouais, ça l'aiderait pas. Moi, je pourrais te donner le temps. Si c'est pas en russe, ça marcherait pas, là. Puis pour vrai, Marc, là, dit que je donne trop de responsabilité pour que Michel donne trop de responsabilité. Mais allez, ta job, c'est jouer au hockey, puis change pas ton style. Alex, Emelin est meilleur que Gilbert. Ben, absolument. Tu comprends-tu? Les deux sont pareils. Il est meilleur que... Non, mais Gilbert, non, il est pas pareil. Il est pas pareil parce que Gilbert, là, OK, ce gars-là, c'est supposé être un def offensif. Sa garnotte, c'est de l'hostie de marde, man. Il bande mou, man, quand il shot. La POC, elle fait... Le problème avec Emelin, c'est aussi relié à son salaire. C'est 4 millions. Parce que si tu le compares avec Weaver et avec Gilbert, c'est pas les mêmes salaires. Dave, je vais dire une affaire. Le salaire d'Emelin, OK, là, quand il a signé, le gars, il avait 180 mises en échec. Je vous rappelle qu'il a signé pendant qu'il était blessé. Parce que si tu me laissais finir, peut-être que tu comprendrais mon point. Ce que je dis, c'est que présentement, on chiale sur Emelin parce qu'il joue pas bien. Oui. Mais ça vient chercher le salaire, mais je suis d'accord que le salaire était justifié quand il l'a eu. Là. Non, mais c'est moi qui l'ai dit. Non, mais whatever. Oubliez pas non plus. Que tout le monde parle en même temps. Je peux pas savoir qui parle, si, man. J'essaie de comprendre. Hey, les gars, c'est important de s'écouter. Hein. c'est une affaire qu'on n'a pas appris. Puis oubliez jamais aussi que nos plus et nos moins, c'est le temps pour la période entre les deux podcasts et non depuis le début de la saison. Fait que ça se peut qu'on donne un moins à quelqu'un qui ne mérite pas l'autre semaine après. Là. Bien dit. Voilà. Ben là, c'est parce qu'on a pas mal de temps. Comme Jean Gilbert, là. Gilbert, il est juste pas bon. Ouais. Ah, il est dégueulasse, Calis. Il est pas dégueulasse, il est juste pas bon. Ben, mon moins. Non, il est répugnant. Ma grand-mère admet un shot que Gilbert. Ben, mon moins. Ouais, ma grand-mère admet un shot que Gilbert, puis elle est morte en plus. C'est n'importe quoi en ce moment. Là. Bon, vas-y, Alex, c'est que ton. C'est Emelin. Alex. Calis! Arrêtez de toucher à Emelin de même, Asti. Enlève donc ce petit bouteille-là. Ah, Chris, elle est en plastique, c'est pas grave. Donne-la à GF, là, à finir. Je suis pas capable de m'en séparer, Dave, c'est comme mon fétiche. Faisons Alexandre avec ton moins. C'est comme mon fétiche. Ah ouais, moi, mon moins, c'est Youpi, Asti. On le voit pas assez, c'est pas ça. Oui, je m'ennuie de la grosse mascotte. Ça serait. Puis orange, c'est ta couleur préférée. Ben ouais. Non, mais moi, je vais laisser la défensive un peu tranquille. Ils en ont assez sur le dos ces temps-ci. Je vais y aller sur Heller, tabarnak, il me fait chier. Heller, il est mauvais, il a une shot de fou, puis il l'utilise pas. Il est dans sa tête, il fait rien, il est pourri. C'est lui qui a eu 3 contre 1, puis c'est lui qui a tiré, puis il a manqué à la cible. Ah, moi, ça me fait capoter. Fucker. Ouais, manqué à la cible à Montréal, c'est pas payé par Souben, il manque souvent à Nesty la cible. Ouais, Souben, tu peux. Ouais, mais là, il l'a dit. Il l'a mis dans la dernière game, par exemple, il l'a mis sur le net en tabarnak. Heller, sérieusement, là, je comprends. Il m'enrage quand je le vois. C'est jouer, un professionnel. Non. Ben, Gonchar, Markov, c'est toute sa bande, Calis. Ouais, mais Heller, je suis pas satisfait. Je suis insatisfait de son rendement. t'es pas satisfait, t'es insatisfait. Ouais, exactement. Là, fait que toi, genre, si tu le passais à ton bureau, en mettons, tu dirais quoi? Des grandes paroles. Je dirais, je te donne ton 4%, calisse-moi ton gars. Pourquoi? Parce que je suis pas satisfait, je suis insatisfait. Je suis clairement insatisfait de ton travail. Après ça, ta femme, j'ai déjà loué un. J'ai déjà loué ta femme. J'ai déjà loué. J'ai déjà vendu. Ta femme est vendue. J'ai déjà vendu ta femme en Europe de l'Est. Whatever. J'ai déjà vendu un rein. Ouais, j'ai écouté, j'ai pas joué avec la famille pour Heller et Emeline. C'est un peu n'importe quoi. Check-moi le style luxonné là. Luxonné? Ben ouais, il joue avec la famille. Il mesure plus que 5 pieds 2. Ouais, puis il est rendu gros en tant que. Il fait pas un buzz morbide. Mais je veux quand même donner. T'es pas game de faire split à la fin du show. Des plans pour que je me fende le frein ici. Ok, vas-y. Je vais donner un moins pareil au powerplay, même si le powerplay s'est réveillé dans la dernière game. Ouais, il mérite un moins depuis le dernier tout podcast. Depuis le dernier podcast, Dave aime beaucoup moins l'histoire de frein en ce moment. Je sais pourquoi. Des souvenirs. C'est des belles histoires. Des belles histoires des pays d'en bas. Oh! Ouais, fait que le powerplay, malgré le réveil, si le powerplay continue sur sa belle lancée, j'en ai un peu sur le prochain podcast. Une chance que la période se termine dans 5 secondes parce que ça dérape en mouvement en ce moment. J'ai chaud aux oreilles. Ben, ça fait le tour de la première période sur ce. Quel timing incroyable! C'est la première fois qu'on est pas en train de s'engueuler pendant que ça sonne. T'étais comme le gars, genre, à la fin d'une période qui tient la poque en arrêt de son nez. Qui veut pas jouer, là. Il regarde juste le timer. Là, la foule le hue. C'est pour ça que j'ai sorti des histoires de ma vie personnelle pour faire un peu de temps, là. Asti. Fait qu'on va aller faire un entraque, puis on vous revient pour la deuxième période. Un attaque. Pendant que tout le monde se bourre de bonbons, on est de retour pour la deuxième période. Bon, des roquettes. Pour les amateurs de jeux vidéo, je vous donne une petite nouvelle en primeur comme ça. Il va y avoir un article en collaboration avec Rétro Nouveau et la soirée du podcast sur les 15 meilleurs jeux de hockey. 15? 15! C'est beaucoup. Ça va sortir un peu avant les playoffs de la Ligue nationale. T'es-tu en train de plugger Rétro Nouveau, toi, là? Ben oui, je me permets comme ça de plugger mes propres projets. C'est bon, voilà. C'est cool. J'espère que tu plugues notre podcast. Ouais, inquiète-toi pas, on le plug quand on parle de hockey, c'est-à-dire jamais. Donc tu nous plugues jamais. Avant Siri, on va en parler. Non, pour vrai je le plug dans Rétro Nouveau souvent. Et puis, fait que, ben, surveillez le site de Rétro Nouveau avant les playoffs. Il va y avoir un top 15 des meilleurs jeux de hockey en collaboration avec nous autres. De la poudre en pilule. Je pense qu'il y a juste un jeu qui était pas dedans quand nous autres on a ajouté qui est dans le top 3, je pense, finalement. Là, NHL 97. Ouais, gâchez donc toutes les punches derrière avant tout le monde. Là. C'est un petit ah, désolé. Un petit spoiler. Ouais, un petit spoiler comme ça. Fait que je m'ouvre une bière. Là, pis... Ok. Au moins, tu t'ouvres pas une veine. Non. Ou je m'ouvre le sac. Comme c'est ça long. Ou la main de valve de la graine, genre. Là. Bon, la veine, là. The veine. La grosse sur le dessus ou celle en dessous? En dessous, là, c'est ça. Là. Le conduit, là. Feu d'artifice. Celle qui amène le sang. 1, 2, 3, lui, il compte dans la conduite des niaiseries. Fait qu'entre les deux podcasts, il y a eu 11 parties du Canadien qui ont été jouées, dont 9 victoires et 2 défaites seulement. Alors, une super bonne séquence. Fait que là, on les repasse toutes une par une pour dire nos commentaires. Non, je vais les passer une par une rapidement. Je vais les pisser, moi. Je vais juste les dire rapidement. Okay? Hey, fais ça quick, là. Mais on n'arrête pas à chaque, là. Oh. Fait que match 34 contre les Sénateurs, on a gagné 4-1. Ça, c'est le match où on était hangover chez Dave après l'épisode numéro 6 de la soirée du podcast. Ah, c'est le party. Yes. Ah ouais. Match 35 contre les Islanders, on a gagné 3-1. Match 36 contre Caroline, 3-1, victoire encore une fois. 37, victoire contre la Floride en tir de barrage, 2-1. 38e match contre New Jersey, victoire 4-2. Contre Pittsburgh, encore une victoire, 4-1. Et Tampa Bay, on a eu une défaite pour notre 40e match. On a perdu 4-2 dans cette game-là. À cause de Piqué. Ouais, c'est ça. C'est la fameuse game. Là. La fameuse... Cette année, on a quand même évité le slum du temps des fêtes. Je suis assez surpris. On a eu une grosse série de victoires là, quand même. Là. Aucun slum présentement, seulement des petites séquences. 2-3 games max. Ouais. Après ça, 41e game. Je pense qu'on a perdu comme 5 games au maximum. On a gagné contre les Blue Jackets 3-2. Après ça, on a perdu contre Ottawa 4-1. Puis les deux dernières games, contre les Islanders, victoire de 6-4. Et puis contre Nashville, une victoire de 2-1 en prolongation. Puis la victoire de Nashville qui était quand même surprenante aussi parce qu'avant de partir au match des étoiles, t'as l'impression que les joueurs sont encore lisses tout le temps un peu. Là. C'est un peu comme la dernière game avant le temps des fêtes. Ben, c'est parce qu'ils s'en vont en vacances. Là. Ben, si c'est ça. Dans le sud, là. Mais Chris, ils ont gagné, man. Mais Montréal cette année, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'ils jouent comme aussi. La marde ouais, en Carrie première période. OK. Carrie a volé la game puis il y a eu la pénalité où ce que. Ouais, mais au moins on les a amenés en prolongation. La Violette, la Violette, oui, ils ont cancellé une pénalité. Ouais, mais à la limite, on aurait été chercher un point. Ça, la pénalité, c'était comme un bonus pour nous faire gagner. La pénalité, hey, la Violette, il capotait. La pénalité, non, la pénalité, non, mais ça... la pénalité ouais. qu'elle a sur elle. Ouais. Mais cette pénalité-là, ça, c'est comme ça. Aurait dû être appelé, là, parce que, ben là, pour la vraie, sur le coup, moi, je l'aurais collé. Ben, sur le coup, quand t'as voué vite, moi, tout, je l'ai. Moi, j'ai dit, hey, c'est une pénalité, mais quand t'as voué après un replay, il y a clairement touché sur le bâton. Le ref, il n'y a pas accès au replay. Je veux dire, sur le coup, tout le monde l'a. Ah, mais ça, c'est un jeune ref, là. Lui qui a fait ça, là, il a... Ouais, mais jeune ou pas, grave, moi, ça il a pas coach... sens. Il a pas refé ouais, beaucoup. Mais Mar- jeune zone, ou pas, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, ça. Mm-hmm. C'est le genre de pénalité... Mais t'as-tu vu comment que la Violette en tabarnak? Il y aurait eu des occasions, ouais. Steve mène encore les bandes. La Violette, là, je l'ai, c'est au bout plus profond de mon cul. Y a-tu dit « typical de Montréal » Ouais, sûrement, c'est lui qui avait dit ça? Ouais, c'est lui qui avait Dave, dit ça. Dave, veux-tu call out la Violette? Ouais, je le call out. Caroline, la première game qu'on avait gagnée... Il était coach pour Philly. Ouais. Il a dit ça. Ouais. Il est où ton doigt? Oh, je m'en colle. La Violette mange la marde. Non, mais honnêtement, là, c'est un coach qui va gagner le Jack Adams. Je pense que c'est la Violette. Ouais, il est solide, hostie, là. Ben, Chris de Team et tout, là. On va se le dire. Ben, là. Honnêtement, team t'aurais-tu pensé qu'elle est pas fan de la Violette, honnêtement. Ben, ouais, ça se peut bien. Tabarnak, son first, hostie, dans il préfère dans la leur division. Dans Boardwalk Empire avec ses cheveux, mais à part de ça. Hostie, qu'il y en a des cheveux, mais je sais pas s'il y en a plus que. C'est pas Jean-Jacques Desgnaux. Hey, Jean-Jacques Desgnaux, là, il y a comme une couture de cheveux en haut des sourcils, man. Pow, ben égal, man, hostie, là. Il crisse de beaux cheveux, man. Une belle ligne. Ah, c'est carré, hein, man. Fait que j'ai quelques sujets par rapport ouais. au CH, la deuxième, puis je pense que Jeff a des affaires aussi. Fait que je vais passer ma batch de sujets, puis on embarquera sur ça à Jeff après ça. Vas-y, Jean-François. Bon, Carey Price, c'était blessé. Je pense qu'il est revenu là, parce que c'est un beau match des étoiles. Ouais. Alors, blessure au haut du corps. Ben oui, il a gaulé la ouais, game. Exact. Il a gaulé une crise de one game. Il ben, est tabarnak, il nous a sorti de la marde. Si, on a juste eu 4 tirs, cette game-là. En première période. Bon, ben, fait que, ouais. dans le fond, on passera pas tant à sa blessure de Price. C'est ouais. juste. Il est revenu. Des petits bobos, il se fait mal au pec, je sais pas. Là. Trop fourré, non, c'est le bas du dos. Blessure au dos. Blessure au dos. Mm-hmm. Haut du corps. Ben, c'est le dos. Ben, c'est dans le dos. C'est pas, c'est l'autre. C'est le dos. Non, non, c'était au dos. C'est une blessure au dos. Ça a été confirmé par qui? Des médias TSN. C'est le bacon de dos. Il a parlé aux journalistes. Non, c'est blessure au dos. Oh, c'est qui, sorti. C'est blessure au bacon de dos. Quand il s'est fait rentrer dedans par le no-name de Columbus. Quand Pacheco a été pogné sa pénalité. Ouais, mais moi, le mallette. Collé, là. Ça y a fait de mal. Fait que pour pas prendre de chance, on a dû prendre un break. On a gagné, il est revenu, puis on a gagné. Ouais, c'était un peu comme l'eau à Longueuil. Il était pas vraiment blessé, c'était juste en mesure précise. Ouais, là, il est ouais, allé ouais, au mais, des étoiles. C'est ouais, mais moi, mallette, là, je suis comme le gars là, qui tend les théories du complot. Là. C'est parce que Montréal nous cache la vérité. Man, ils n'ont pas voulu nous le dire. C'est son genou, ça a flanché un peu encore, mais il essaie de nous épargner ça. Il nous cache la vérité. T'es malade, toi, ça montre ma position sur les théories du complot. Deuxième point, P.A. Parento a une commotion dans les dernières encore. Games. Encore une fois. Ouais, puis je pense qu'il est pas on revenu vraiment. On s'en calisse. Anyway, ils ont ramené Thomas, man. Il skate comme un nasty de chevreuil. Ouais, tabarnak, c'est ce qui est vite, man. Mais là, ils l'ont pas mis les mineurs. Ouais, ben c'est pour ouais, la pause des étoiles. Après, ouais, dans le sud, ils retournent dans le fret. Du tout, t'en vas pas en vacances, hostie. Ah, il patine, cet hostie-là, man. Ouais, tabarnak, ouais, il est mais rapide, moi, j'aurais vu Charles Ludon à sa place un moment donné. Je pense qu'on lui mérite sa chance. Patient. Ah, t'as un peu, mais non, mais Christian Thomas, il faut qu'il joue une trio offensif. S'il joue sa quatrième ligne dans une job défensive. Charles Ludon, il est des meilleurs pointeurs de la Ligue américaine présentement. Je pense que lui tout, tu peux pas le mettre sa quatrième. Non, c'est ça. Fait que moi, je l'aurais essayé. Lui, s'il le monte pas, là. Charles Ludon, je pense qu'il est plus jeune. Moi, j'attendrai. Moi, j'ai confiance moi, à l'organisation de Montréal de monter le monde. Hey, t'as-tu confiance en Lefebvre, toi? Non. Lefebvre, non. Pourquoi non? Le coach, ça? Pourquoi non? Ben, sacrement, Asti, il t'a presque rappé notre jeunesse. Comment ça? Ben, Chris, ah, mais ils sont derniers. Hamilton, là, je pense qu'on. Hamilton, ils n'ont vraiment pas un bon team comparé aux autres. Non, Hamilton, là, il y a une fiche, je pense, de 300. Depuis ouais, qu'il est là. Man, pour de vrai, on n'a pas de goaler. C'est quoi la job là-bas. D'un coach dans une ligue américaine? C'est quoi sa job? Numéro 1. Développer les jeunes. T'sais. Pas gagner les matchs. Ben, est-ce qu'il fait développer les jeunes? Ben oui. Okay. Si Marc Bergevin est là et il a confiance en lui, je pense qu'il y a le moins des jeunes qui ont gradué sous l'ère Lefebvre. Bergevin a donné son vote de confiance. C'est quoi, 3 ans qu'il est là? Bergevin a donné son vote de confiance. C'est à Lefebvre, d'après moi, il va se faire mettre dehors. Ben là, t'as Nathan Beaulieu. Beaulieu, Thénardier va graduer. Tu vas avoir. Il n'y a pas rien d'autre. À 3 ans, tu ne dis qu'un joueur qui a gradué. Un diplôme, genre. André Gatto. T'as André Gatto qui font monter. Thomas. C'est pas compliqué, Lefebvre. Y a-tu un gars qui est sorti du lot vraiment? Avant ça, il y a qui, man? Ah, mais tu peux pas avoir tant que ça un diamant là, qui sort style là, des Bulldogs. À Détroit, là, quand les jeunes font 2-3 ans de stage à la Ligue américaine, ils font le club puis ils performent. Regarde Nike. Ah, mais Charles Houdon, c'est sa première année. Ok, là, tu viens m'en nommer deux. Là. Non, non, mais je t'en ai donné deux principales. Tu m'as coupé tout de suite après que j'ai fini de nommer le troisième. J'ai fini, t'as pris une pause. Non, mais vraiment, je pense que. Moi, là, personnellement, là, si je fais un rêve, là, je verrais Benoît Gros comme coach des Bulldogs d'Hamilton. Lui, c'est, pourquoi il irait là? Parce que. Un entraîneur, s'il veut graduer dans la Ligue nationale, il faudrait qu'il passe par la Ligue américaine. Parce que s'il va assistant, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que idéalement pour un entraîneur, là, pour commencer étape par étape, c'est entraîner dans la Ligue américaine. Quoi? On parlait de la convention en préparatoire. On parlait d'Hamilton. Ouais, mais on a vu. T'as peu. Toi, t'avais. Tu me dis, là, admettons, tu s'en vas comme coach Girac. On l'a vu, là, on avait le Balafré avant, là, qui était à Hamilton, là, qui est allé à Tampa Bay. Puis ils l'ont collé dehors. Ouais, mais attention. Puis il est retombé, puis Chris, il était en Suisse, là. Ouais, mais un entraîneur, dans le fond, là, idéalement, là, s'il veut graduer dans la Ligue nationale, il faudrait qu'il passe par la Ligue américaine. Ben ouais, c'est très rare, un entraîneur. Il était en Ligue américaine avant, si. C'est quoi son nom, là? Parle là, là. Qui ça? Tu sais, l'anglais, là, que coach le Canadien. Randy Connieworth. Ben ouais, regarde, il a passé par la NHL, il est rendu un coach. Ah, mais Connieworth, tabarnak. Hey, regardez les entraîneurs qui ont été engagés pendant l'été. On n'a pas le droit de le placer, lui. Willie Desjardins à Vancouver, il a passé par la Ligue américaine, il a gagné la Coupe Call 2 dans la Ligue américaine. L'autre entraîneur, Mike Johnson, des Penguins de Pittsburgh. Ok, Mallette, c'est quoi tu veux, là, dans le fond, là, quand tu dis ça? Tu veux que toute l'équipe d'Amérique monte au Canadien, c'est pas compliqué, là. I'm back, bon, j'en sors le doigt, ça y est. Bon. Sylvain Lefebvre, dehors, le monde Hamilton ne veut rien savoir de toi. En plus, Sylvain Lefebvre, Chris, Steve. Jeff Mallette. Honnêtement, il était même pas bon comme joueur de hockey. Ah oui, Mallette. Oui, parce que Mallette, quand il se fâche, je pense qu'il dit tout le temps Chris, Steve. Ah oui, c'est mon point d'exclamation en québécois. Bon, on va résumer la situation. Lefebvre, c'est le George Lucas d'Hamilton. T'as rien de scraper notre jeunesse. Ça aurait été dit. Moi, je suis en désaccord. C'est raide, là. Calmez-vous, là. Calmez-vous, hostie, là. Je me calmerai pas, Chris. La jeunesse, pour moi, c'est important. Bon, OK. Puis je pense... Tu veux trader, Chris? George Lucas a quand même juste fait Jar Jar Binks, là. Aïe, la jeunesse, là, Chris. La jeunesse, on n'a pas tant que ça. Revenons sur le sujet de base qui est... C'est qui, ça, la jeunesse, tabarnak? Oui, mais d'autres choses. Le gars avec les cuisses molles, ça. C'est une joke. C'est une joke. Fait que pour conclure, le cas de Parento, parce que c'est ça qu'on parlait avant de partir sur Hamilton, il nous manque-tu présentement Parento ou Oui. Non. Non. Non. Non, il est transparent. Parento, ben là, je le prendrais à la place de Thomas, oui. Ouais. Ça me fait penser, je trouvais qu'un journaliste était vite sa gâchette en début de saison, mais il avait sorti un hashtag sur Parento, puis je sais pas si on devrait en parler. Ben oui. Mais là, pendant que tu as commencé, ouais, c'est presque Parento. Tu n'agaces, toi. Presque Parento. Ça c'est, c'est comme ça, almost book ça en français. Genre en français, mais c'est presque Parento. Ok, c'est, sérieusement, c'est un peu chien là, parce que. Pas ok, même, mais pas c'est plate pour Parento là. Mais Mondi, un open net là, un goaler il est hors position là, il encore il sera pas dedans là. Mais c'est le gars qui nous a fait gagner en playoff toute la première demi-saison, pas en playoff mais en tir de barrage. Ouais. Oui, ok, peut-être en fusillade. Ouais. Yeah, t'en as de même là, qui vont scorer en fusillade, là, pis c'est super bon. Tu sais, comme Dagenais dans le temps, là, à Montréal, le style, là, qui scorait zéro calice de but, puis il scorait tout le temps, man. Dagenais, il scorait en fusillade. Oui, il scorait en fusillade. Ben, ok, si c'est un one-trick pony, on peut-tu le garder pour ça? On a mal au choix qui fait des jeux, des mises en jeu. Le seul aspect que je vois de le plus intéressant de Parento, c'est son gabarit quand même. Parce que c'est un joueur qui prend quand même de la place, sa patinoire. Mais je veux dire, les jeux sont jamais complétés. Il est invisible. Okay? Fait que sérieusement, tu me dis, là, l'attaque de Montréal, est-ce qu'elle en prend pour son matricule quand il est pas là? Pas son du tout. Matricule. Je vous pose la question, les gars. Ah, j'essaie de varier. Est-ce qu'elle en prend pour son matricule? Donc. Si on analyse le trade de Daniel Brière et Parento, puis n'oublions pas que Daniel Brière, son contrat finit cet été, puis Parento, il reste une autre année de 4 ans. Je préfère Parento. Je préfère Parento. Vous préférez Parento, puis vous attendez à quoi de Parento cette année? Pas grand-chose, mais il m'a surpris. Un petit peu mieux que Brière, ce qui est déjà arrivé. J'aime mieux que Brière, pareil. Ouais. Alors, prochain sujet, alors. On va parler de Nathan Beaulieu un petit peu. Je sais que ça a l'air insensé, là, mais... J'aime vraiment pas. J'aime mieux Parento que Brière. J'aime vraiment pas Brière, moi. Bon, fait que... Ça has been, ça. Bon, on a vu que Beaulieu a commencé à se placer un peu dans le Canadien. Puis ben, il y a Michel Therrien qui a répondu à des questions des journalistes par rapport à Beaulieu sur sa confiance. Puis que serait un épisode de la soirée du podcast sans extrait audio de Michel Therrien? Fait que j'en ai un ici. J'ai pas entendu celui-là. C'est savoureux. Fait que écoutez ça, il parle de la confiance de Beaulieu. Juste en follow par rapport à Beaulieu, il dit lui-même qu'il joue avec plus de confiance. Mais toi, en tant que coach, est-ce que tu vas lui donner plus de cordes pour qu'il ait de la confiance ou parce qu'il a plus de confiance, tu vas lui donner plus de cordes? Ça, c'est la bonne recette, l'ancienne annonce, la saucisse à cream. Plus qu'on en mange, plus on en fait. Ouais, c'est plus qu'elle est fraîche. Ça ressemble un peu à ça. C'est un peu ça aussi. Plus qu'un joueur joue bien, plus qu'un joueur fait les bonnes choses, mais plus sa confiance est là. Puis l'inverse aussi dans l'autre côté. Là. Donc, lui, il travaille bien. Il est bien concentré. Et le fait de prendre de bonnes décisions, de jouer avec beaucoup d'intensité, sans être partout sur la patinoire, de vouloir en faire trop. Et lui, il gagne en confiance. Ses coéquipiers aussi gagnent en confiance en lui. Puis nous aussi, les coachs. Le mot coéquipier doit être la fois la plus difficile à dire pour les entraîneurs. Des coéquipiers, mais ce que j'ai retenu, là, c'est que. La saucisse à Aigris, c'est pas celle-là qui donnait à l'hystériose. Fait que Beaulieu, plus t'en manges, plus il est frais. Non, mais c'est sa saucisse, elle est fraîche, là, c'est ça qu'on a entendu. Ouais, mais attends un peu, là. La Aigris, Asti, il y avait de la l'hystériose, il y a pas longtemps là-dedans. C'est Maple Leafs qui font ça. T'as pendant que Maple Leafs, c'est fuck you. Moi, c'est juste pendant que tu as un chandail des Maple Leafs en ce moment. Tu sur ce podcast, là. Pendant que tu l'entends, la question du journaliste, t'entends juste Michel respirer. Ouais, c'était toi qui respirais. Pour ceux qui ont pas bien au début, je pensais que c'était moi. Pour ceux qui n'ont pas bien entendu, là, Michel Therrien a comparé avec la saucisse high grade. Plus t'en manges, plus t'en as de la fraîche. Plus t'en fais de la fraîche. Puis, fait que, mais sérieusement, là. Plus il joue bien, plus il va bien jouer. C'est quoi? Non, plus il joue bien, plus il a de la confiance. Plus il a de la confiance, plus il joue bien. C'est ça. C'est ça. Mais pour vrai, Beaulieu, là, sérieusement, c'est un def que j'apprends comme vraiment à trouver vraiment bon dans ce qu'il fait. Son développement. Ah, c'est-tu que serait bon? Hey Chris, il est capable. Mais sérieusement, là, c'est lui qui a les meilleures entrées de zone à zone adverse, comme Souban. Encore une fois, soyons patients, mais il va être très bon Beaulieu. Là. Joueur, c'est sûr qu'il va être patient. Moi, sérieusement. C'est une malade, lui-là. Là. Moi, sérieusement, j'adore. Moi, j'aime bien ce que je vois de Beaulieu pour vrai. Moi, sa progression, je la trouve cool. Je trouve ça hot. Ça fait être un meilleur. Il se développe, puis il commence à rentrer dans le niveau NHL, là, ce gars-là. Ah, il est là. On a été dur avec lui au début de la saison, je pense, parce qu'il y avait de la difficulté. Mais on ils l'ont tourné à Milton. Ouais, il est revenu, puis il a brillé. Ouais, mais il commence à prendre le pli. Sylvain Lefebvre, là-bas, il a fait sa job, puis il est revenu. Puis je pense pas que Sylvain Lefebvre a été. Descendre à Hamilton, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Checké Pacioretty quand il est descendu. Il a dit, moi, je remonte pas avant d'être prêt. Puis, ouais. Qui risque qu'il est prêt depuis qu'il est remonté? Ouais, hein? Il fallait qu'il joue. C'est l'exemple parfait d'Hamilton. Ouais, il a fait un statement. Il a fait un statement. Puis... Mais est-ce que vous connaissez Serge Boisvert, directeur de la Légion majeure du Québec? T'es un ancien joueur des Canadiens, ça, Serge Boisvert? Peut-être que je me trompe de personne, mais en tout cas, lui a comparé Nathan Beaulieu, un défenseur qui est présentement un des meilleurs de la Ligue là, au niveau du pointage. Qui? Kevin Shattenkirk. Shattenkirk. Puis si je regarde les stats de Shattenkirk. C'est un nom incroyable en anglais. Ça a été un petit peu plus long avant qu'il se développe. Puis Colorado s'est impatienté qu'ils l'ont donné aux Blues de Saint-Louis. Puis aujourd'hui, bien, c'est rendu tout un corps arrière. Il fait plus de points que Petrangelo sur le powerplay. Il joue sa première. Ouais, mais tant peu. Avant de dire que Beaulieu puisse devenir. En tout cas, je comprends la comparaison que tu veux faire. Mais avant de dire que Beaulieu va devenir un Shattenkirk, là. Ouais, mais pour de non, vrai, mais c'est mettons, mais non, mais je comprends, mais. Il a pas de. Non, mais c'est un astuce joueur de défense. C'est là. Ça, si on est patient avec Beaulieu, parce que lui, ça, on l'a étiqueté comme étant un défenseur offensif. Fait que si on est patient avec, je pense qu'il serait excellent, c'est la deuxième vague du Canadien, puis c'est l'avenir. Fait qu'on aurait Subban assurément sa première unité défensive, puis Beaulieu après. Ouais. Fait qu'il faut juste compléter avec ces gars-là. Le gars, ça fait 4 ans qu'il joue en Ligue, 5e année là, que je joue en Ligue. Le gars, il a fait 8 buts, 31 passes. Chris, il avait quand même une bonne année avec mais Beaulieu, il a fait 45 points l'année passée. Beaulieu patine bien, il a de la vitesse, je trouve. Ah, bouge bien le puck. Il a des bonnes mains, il a une bonne première passe. Comparativement à des joueurs que ça fait plus longtemps que lui, qui sont établis dans la Ligue nationale, Chris, il s'en sort bien. Si on lui donne 5 ans, je suis sûr qu'il est capable de faire ses stats-là. Ah ben oui, là, non, non aussi, ouais, mais c'est patient, ça, ouais, mais c'est ça, Alex, faut, mais faut ça, son jeu défensif, par exemple, Beaulieu. Ben, pas, pas juste Beaulieu, c'est Souban aussi, son jeu défensif, tout est à peaufiner ben, sur le côté défensif. La défense a un petit peu de la misère. Quand on est vraiment bouteillé, on est vraiment bouteillé. On est dans le trouble pour un bon, petit bout. Oui, les gars, je vais changer de sujet en ce moment parce que la période achève déjà. Ouais, je sais, mais on a fait le tour de Beaulieu. Parce que j'ai un autre extrait incroyable de Terrien qui est en anglais cette fois-ci. C'est Terrien qui parle du power play. Puis il s'est fait demander pourquoi t'as fait telle affaire ou telle autre affaire. Puis sa réponse est excessivement claire. Écoutez ça. Ah ouais, il part, esti. But it's a matter of reading the game too. It's the same thing if I'm leaving Montreal going to Quebec City and I got two highway, I got the 20 and the 40 to go to Quebec City. But if I hear on the radio there's a big accident in Drummondville, I'm not going to take the 20. I'm probably going to go to take the 40, you know, because there's two different ways to get there. It's the same thing in hockey. You know, there, you get different pattern, but you have to read the play. And we have to let the players making those reads and making the good decision with the puck. Je suis bien d'accord. J'aime ça, moi, cette analogie-là. C'est simplifié pour que tout le monde comprenne. C'est simple comme le petit bon bougon dans son 2,5, si sa télé sonne quand il se pousse. Le petit bougon, il parle même pas en anglais. Il ben, y a juste un cache avec une crête de lait comme pouf. Lui, il comprend. Avec son, ça, quand t'es jeune, avec c'est son 2 litres de liqueur. De RC Cola. Puis ça, on va faire des crafts, là, comme ah, merci Michel. Puis lui, il se dit genre. Asti que c'est vrai, t'as rien, ça. Vrai, moi, je suis jamais allé à Québec, ça, mais... En tout cas, c'était rien. Fait que, bon, il me reste deux... J'ai entendu que c'était beau. Il me reste deux sujets avant la fin de la période. Je finis dans 40 secondes, fait que je pense que je vais en passer un vraiment vite, puis l'autre va être après. Go! Tin Hardy qui s'est fait knocker dans la ligne américaine de façon assez solide, merci. Il est revenu 6 points sa match. Meilleur qu'avant Chris. Tout le monde pensait qu'il était pour revenir pas bon. Ben, on pensait qu'elle allait être traumatisée par ça ou je sais pas quoi, là, parce qu'il s'est fait knocker en sacrement. Ça a l'air que ça ne l'aurait pas affecté tant que ça. Pas en tout. Ben non, parce que 6 points en 5 matchs, c'est sûr, ça démontre que t'es pas affecté dans ton jeu après ça. Mentalement. Mais l'affaire, c'est qu'il s'est pogné contre un gars. Ça marche bien dans la boîte à poux. Non, mais il s'est pogné contre un gars qui fait que ça, se battre. Ouais, mais tout, il lui, a plein de face à la glace. Tin Hardy a 6 et 5, puis lui a 6 et 4. Le gars, lui, fait rien que ça dropper, man. Fait qu'il s'est pogné contre un fighter expérimenté. À ce qui paraît que Montréal aurait demandé à Tin Hardy de dropper un petit peu plus, puis plus d'imposer sa présence physique à Hamilton. Non, Martin, là-dessus, je te corrige parce que le père à Tin Hardy a parlé à radio puis il avait dit qu'il comprenait pas pourquoi son gars se battait. Non, je vais juste te dire parce que c'est, je pense que deux ouais, trois jours qu'il a après, fait, je sais qu'il a fait lui un coming out ça, après ça. L'organisation ouais. a dit. Quoi, il a dit qu'il était gay? Non, il a dit que son gars, il dit, je comprends pas pourquoi il se bat parce que. Il dit que son gars était gay. C'est pas sa job de le faire. Il est là pour défendre ses coéquipiers. Ben non, c'est parce qu'il est grand et il est gros. Ouais, mais t'as peu. Ouais, mais Montréal, ils ont demandé, par exemple, je pense, de dire. Gars, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Puis je pense qu'il il a voulu prendre une initiative. Puis Tin Hardy, c'est pas un gars que, oui, c'est pas. Tu le vois dans le fight, il est pas quelqu'un qui va de l'avant pour se battre. Il se défend un peu, puis il a pogné le gars, puis il a voulu, je pense, montrer un peu ce qu'il y a dans le ventre, peut-être tout ça, puis ça y a joué un tour. Tu sais, c'est pas dans sa nature de se battre. C'est pas un gars qui aime ça, je pense. Faut pas qu'il demande ça. Là. La fête, si tu as demandé ça, Chris, est-ce que toi. Le fer, il a pas mal laissé. Non, mais t'as peu. Je te dis, par exemple, je te dis que si Tin Hardy arrive dans la Ligue nationale, puis il y a un de ses joueurs d'avant qui se fait planter dans la bande, s'il arrive à côté de lui, j'espère qu'il va y aller, puis il va faire la job, par exemple. Ouais, contre Amar Yemlin. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a personne qui le fait. Il y a personne qui le fait, man. Il y en a pas. Il n'y a plus de police. C'est fini, ça, cet temps-là. Mon dernier sujet. J'espère qu'il le ferait. Pas faire une brise-bois, Chris, après que Zetnik, ça ait fait. Planté solide, ce type, il va faire comme, hey, tu pourrais t'excuser. Ouais, sinon, t'es allé finir analyste à TVA Sport. Tabarnak, avec des sauts, des complets dégueulasses. Il me reste un sujet pour le CH, puis je propose qu'on le garde en troisième parce que je pense qu'on va s'emporter. Okay, c'est par rapport à Galchenyuk au centre et à l'aile. Okay, regardez. On vous revient à troisième et puis on. Jeff, juste pour finir la période, j'aurais quelques petits. Coyote interrompu. Ben ouais. Par rapport à Michel Therrien. Ça y est. Les meilleurs quotes de 2014 de Michel Therrien. T'as ça, toi? Oh, j'ai ça. Vas-y donc. J'en ai une qui est sortie, je pense, au début de l'année 2015, mais je vais la sortir en premier. il dit... OK, le coach expliquait que son équipe doit arriver avec une mentalité où ce qu'on se doit d'être confiant. Puis après, shit, Michel. C'est qu'on est à Nashville, ça. Ouais, je pense que c'est ça. Puis après ça, il a dit... faut que tu joues... Dans le fond, il parlait des... Ouais, les parties noires, comment ça se déroule, les parties, puis toute la kit a influencé la tenue de l'équipe. Il dit, faut que tu joues 41 matchs sur la route et tu n'en, et t'en joues la même affaire à l'extérieur. Hey boy, fait que tu joues jamais à domicile. Après ça, OK. Ça, c'est comme le meilleur d'Est en Est. Ça, c'est les meilleures affaires du pornographe, là, 2014. Bon, en parlant de Gallagher, il a réussi à nous marquer un gros but à cause de sa force de compétition. La force de compétition étant un concept qui s'applique à un joueur qui n'a pas peur d'aller dans les coins. Nice. Au sujet de Gallagher, c'est un jeune homme qui travaille extractivement fort. Suite à l'hommage rendu à Jean Béliveau. C'était très dur de ne pas retenir nos larmes. Je les ai pas retenues, mes larmes. À propos du Canadien qui oublie d'ouvrir la machine, on était très concentrés à jouer notre plan de match, mais c'est arrivé trop tard. Trop tôt, trop tard. Hey boy! Bravo, Michel. Mais c'était cool. C'est drôle, pareil. Attends, peu, j'en ai les derniers. J'ai beaucoup aimé l'intensité qu'on a déployée. Définitivement, Markov a mis beaucoup d'épaules à la roue. Il en a sûrement pas mis plus que deux. Au sujet de Sherbak, il est doué à une très belle avenir. Nice. Donc, en gros, c'était les meilleurs. Mais tu vois, Dave, t'as parlé du pornographe. J'aimerais faire un call-out, moi, à 25 Stanley. Vos hosties de rumeurs de Eugénie Bouchard puis de Tabarnak, là, les gars. Come on, là. Les autres sont bandits, Gene. Je m'en calisse. Jordan Caron. Ah, moi aussi, elle me ferait bander, mais c'est ça. Ben non, mais je vais aller voir tennis, je sais pas quoi, là, mais je m'en calisse des rumeurs de Eugénie Bouchard sur 25 Stanley. Il parle beaucoup de sport autre que le Canadien, par exemple. Ben j'ai commencé à remarquer ça. Là. Vous baissez dans mon estime, les boys. Je sais qu'ils nous écoutent. Je sais pas prendre tout. Ouais, fermez votre gueule, tabarnak. Peut le faire la publicité. GT Utah, fuck you. Toi, pars pas ma lettre, esti, là. Ah non, ils sont Chris avec le. Là, ils sont rendus populaires. Fast food, du sport, du fast food, c'est pas bon. C'est GT Utah, je pense, qui est sur ce show-là. Fast food, c'est pas bon, le gars qui dit qu'il a mangé du PFK. Avant, moi, avec ça, je sens d'être si je l'ai mangé. Ouais, moi, je l'ai vomi. Là, t'as GT Utah qui va sur le show à JC La Joie, là, à 91.9, que personne n'écoute. Puis là, let's go, on part en peur. Puis come on, les gars. Si on gagne une 25e coupe, vous allez vous appeler quoi? 26 Stanley, ça va être le temps, Chris. Fait que sur cet excellent point de GF, on va aller faire la deuxième entrée puis on vous revient pour la troisième période. On est retour pour la troisième période. Fait que finissons sur le cas du Canadien avec Bengal Geniok, là, faut en parler. Parce j'ai une petite note et tout, GF. Vas-y. Par rapport, tiens, on a chialé dans les dernières semaines par rapport à Souben. Nous autres chialé, voyons. Non, on chiale jamais. Par rapport à Souben, ouais. J'ai vu de quoi sur Internet passer. Depuis le lockout, Souben a plus de passes que Drew Doughty a de points. Oh! Intéressant quand même. Ouais. Puis peut-être qu'on remarque juste ses turnovers, nous autres, avec les Canadiens. C'est mauvaise pénalité. Son jeu de marde, ses slaps à côté de la. Non, net, Souben est joué en crise. Puis depuis le lockout, Souben a le best relative scoring chance differential de toutes les defensemen. De la NHL avec plus 19,2%. Je suis même pas sûr exactement de ce que ça veut dire. Dave, il est fluent les deux langues comme Mark Templeton ici. Ouais, mais vous saviez quelque chose, Souban, il y a quel âge? 23-24 ans, il a égalisé déjà le record du plus grand nombre de buts en prolongation pour un défenseur pour le Canadien de Montréal. Ouais. C'est quelque chose pareil, là. Qui avait le record? C'est Desjardins, peut-être? Non, c'est pas Desjardins, c'est sur un gars genre un vieux de la vieille. Qui la pointe? Genre Doug Harvey, là. Pointu, Doug Harvey, man. Monsieur Pointu? Ouais, Monsieur Pointu. Mais, bon. Je donne un défi aux auditeurs, trouvez donc la réponse pour nous autres. Et voilà, pendant qu'on passe au prochain sujet qui est Galchenyuk au centre et à l'aile. Fait que... Je l'avais dit qu'il était pas prêt. Il était prêt. Il a dit lui-même qu'il voulait retourner à l'aile. Ouais, parce c'est lui qui a demandé de retourner à l'aile. C'est ça. Il était pas prêt. Si on récapitule une chose, c'est pas ça l'affaire. Il est pas prêt, il veut pas jouer. Ok. Là, tu comprends, là, tu veux comprendre. Je veux pas jouer sur le premier trio, j'ai mis retourner à l'aile. JF va dropper du knowledge, là. On est samedi. On apprend que Galchenyuk retourne à l'aile. Renaud Lavoie en exclusivité déclare sur Twitter d'un cours de terrien qui dit... Ça semble que Renaud Lavoie était pas loin. Galchenyuk est plus à l'aise à l'aile qu'au centre. Après ça, à TSN, Jess Rosniak, une journaliste très réputée. Jess, you're doing a great job. I like you a lot. You must have so many cocks. Non, c'est vrai, vraiment. Et puis, Galchenyuk, il quote... And a lot of balls. Là, je vais dire en français parce que je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ne comprennent pas l'anglais. Là. Il a dit, je suis à l'aise que le coach me mette à l'aile. Pas, je suis plus à l'aise à l'aile. Fait qu'on s'entend-tu que c'est le coach qui voulait faire des changements parce qu'à un moment donné, ça marchait plus pendant juste deux games, genre. Puis le final. Ça revient un peu aussi à l'affaire. Puis tu sais, je vais pas tourner le fer dans la plaie, mais Terrien, il est pas patient. Si ça marche pas deux games, il change tout. Ouais, mais il a gardé quand même 7 games, là, au moins. Oui, là. Mais ça a marché 15 beaucoup. Games. 15 games. Il a joué au centre, Galchenyuk. Okay. Puis il a fait combien de points pendant ces 15 games? Il a fait 11 points en 15 games. C'est quand même pas mauvais, là. Ouais, mais t'as peu. C'est pas mauvais, mais. Mais attends un peu, mais attends un peu. Non, il a pas joué 15 games au centre. C'est ça, me semble. À l'épisode 10, il était pas au centre. J'ai lu la stat. Mais non, mais il y a eu 11 games entre les deux podcasts, puis à l'épisode 10, il était pas au centre, Galchenyuk, me semble. Ah non? Ben non. Ben c'est ça, me semble 15 games, c'est beaucoup aussi. Je dis qu'il peut pas être là à temps plein. Moi, je dis juste qu'il est pas prêt à être là à temps plein. Non, moi je te dis, l'affaire. Moi j'y crois que Galchenyuk a dit je veux retourner à l'aile, je suis plus à l'aise à l'aile. Possible. Parce que pour toute la responsabilité qu'un centre a, je pense que c'est cet aspect de responsabilité-là, toute la glace que tu as à couvrir, je pense que c'est ça qui n'arrachait plus, c'est peut-être. Pas, c'est pas fou ce que lui dit non plus. Là. Parce que tu joues avec Pacioretty, man. T'es comme. Ouais, mais t'as peu. Tu voudrais t'as peu. Ça a marché. Il y a une affaire qu'on va dire, par exemple. Le fait que ça a marché. Mais Dave, tu dis que Terrien n'est pas patient, mais Terrien. Attends un peu. Terrien n'est pas patient. Non, c'est vrai qu'il n'est pas patient. Mais en même temps, à sa défense, je peux pas y enlever le fait que. Il a tout le temps fait les bonnes décisions quand il fallait. Regarde ça. Il a tout le temps les bons game balls, man. Mais il reste que il est pas patient. Mais check, en mettant Plekanec avec Pacioretty. Il fait des bonnes décisions pareilles. Plekanec va chercher sa game de 2 buts, 2 passes. Ça a super bien été aussi. Je pense qu'il mixe les cartes un peu. Je pense que Terrien, il joue beaucoup avec les séquences, man. Toi, t'as une bonne séquence avec tel joueur. Parfait, je vous mets ensemble. Ça marche plus 2-3 games. Bon, on va essayer une autre séquence. Vas-y donc, Alexandre. Non, mais on s'entend-tu que Galchenyuk, il est excellent, puis il est jeune en crise. Là. Il y a 20 ans. Il y en a pas beaucoup. Il sort avec une débarbouillette, ce gars-là. Il y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale à 20 ans qui sont au centre du premier trio d'un club comme le Canadien. Fait que c'est correct, il l'a essayé au centre, il a bien joué. Puis, à un moment donné, il s'est essoufflé, puis il l'a protégé en l'amenant. C'est ça, puis l'année prochaine, on va peut-être en jouer 20, gang. Mais c'est ça, mais t'as peu, on va tranquillement. 40? À 20 ans, il met à l'aile, il le repose, puis il le protège pour pas que lui, Galchenyuk, commence à jouer comme confiance. La marde, puis qu'il perde sa confiance. Ouais, mais c'est un excellent match. Ouais, je vais faire l'avocat du diable. OK? C'est qui le meilleur joueur recru cette année? Du Canadien? Non, OK. Il a été repêché par Washington la même année que Galchenyuk. Ouais, ils l'ont tradé, c'est un choix de repêcheur. Ils l'ont changé contre Martin Erat. Ouais. Pour. Faut-tu tirer dans la tête, du gars-là? Fait que, tu sais, genre, je veux dire, il a été repêché en même temps que Galchenyuk. On s'entend-tu que présentement, il performe en tabarnak, man? Ouais. Mais bon. Mais je veux dire, j'adore Galchenyuk, ça n'a pas rapport. Je fais juste faire. Ça prend plus de temps à se développer. Joue pas à sa position naturelle. Je pense pas que Forsberg. Non, mais de toute manière, le Galchenyuk, là, que tu le mettes au centre, que tu le mettes à l'aile, moi, je le trouve super intéressant comme c'est joueur. Un excellent joueur. C'est point, pas, de lui. Pour moi, c'est okay, pas. C'est no big deal. Je pense pas qu'il va faire no sa carrière. Malkin était-tu au centre? Je sais pas. Oui. Il y a plein de joueurs de centre qui se font pêcher qu'après ça, ils jouent à l'aile. Tu viens parler de Malkin? Moi, l'affaire de centre, là. Fallait le mettre, là, en Russie, tu sais. Voilà. Remix. Il faisait moins 19 la game, non? Non, mais. J'ai des roquettes. Ouais, mais t'as j'ai avec des le facteur que je t'ai gardé en côté, ici. C'est bon, ça. Non, mais c'est ça. De façon, Galchenyuk, moi, je pense que tu le mettes à l'aile, que tu mettes. Galchenyuk peut bien faire sa carrière à l'aile, puis je suis sûr qu'il va être hyper performant, pareil. Puis, je veux dire, Galchenyuk, c'est face-off. Je sais pas c'est quoi ses stats. Mais bon. Tu sais, t'entends que. Tu sais, Bergeron, c'est un hostie. Tu sais, Bergeron, ça devient un joueur de centre. En mongol parce que c'est un hostie de machine au face-off. Patrice. Mais tu sais, je veux dire, gars, pour moi, je pense que des affaires pas mal. Patrice. pense qu'il y a des affaires pas mal plus importantes pour Montréal en ce moment que Galchenyuk au centre ou à l'aile. Sérieusement, c'est un peu un détail. Là. Hey, on a 5 centres. Là, c'est ça. On peut se le permettre. Là. Ouais, on a 5 centres, mais Galchenyuk est bien meilleur que Lars. Je pense qu'on a déjà couvert le sujet de Galchenyuk. Là, fait que, soyons patients, il va revenir au centre éventuellement. Non, parce que... Non, parce que je suis d'accord avec toi, sauf que je ne mettrais pas Galchenyuk ou ce que Lars Eller joue présentement. T'as-tu peu, parce que Plekanec est pas mal plus responsable défensivement que Galchenyuk, par exemple. Il est plus solide là-dessus. Honnêtement, j'aime mieux Galchenyuk à l'aile sur un premier ou deuxième trio que au centre sur un troisième, quatrième. Moi aussi. Voilà. Ah, tu crois, écoute. Ça, c'est Dave qui mange une roquette. Sur cette belle croquée de roquette, on s'en va faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Hey, GM, j'ai encore de quoi, man. Vas-y donc. Je peux juste commencer ça avec un fun fact. Ouais, vas-y, vas-y. Ça a crissement pas rapport, là, mais... OK. Comme le show en ce moment, là. Les boys, vous connaissez Janet Gretzky? Ouais, la fille. Ouais. De... Oh, ouais, je la suis. La femme. Non, pas okay. Paulina. La femme. Pas Paulina. La fille de Paulina Gretzky et de Wayne. Hein? Non, Paulina, c'est la femme. C'est la fille. Janet, c'est la mère de Paulina Gretzky, la fille la de danseuse, Wayne. La danseuse, là? Bon. Ben, elle a porté une GoPro pendant l'accouchement de Paulina. Oh, non. D'ailleurs. C'est sur YouTube, ça? Ben non, ça c'est juste... Hey, autant que je veux voir Paulina. J'espère que tu miaises. Écoute, moi j'ai pogné ça sur les internats. J'espère que tu miaises. L'année passée, là, Gretzky a parlé avec Paulina, puis il a dit « Tu vas me fermer ton compte Instagram puis Twitter parce que t'es dégueulasse. » Mais c'est pas fermé. Ça ferme pas une cause de l'accouchement. Hey, moi j'espère que c'est le vidéo que je vais voir d'un cours prénato qui te montre un accouchement. Alors là, l'accouchement de Paulina Gretzky. Toi, les gars, ça avance un petit peu sur le faux. Saint Joe, moi j'y vais pas au cours prénato. Moi, si j'y vais avec le feeling, tu respireras bien comme tu voudras. Le siphon, il est prêt. Pour commencer le round de NHL, parlons de Scott Gomez qui a été honoré par les Devils pour avoir joué 1000 matchs dans la Ligue nationale. Gomez qui a fait plus surtout de buts cette année. Une coupe et tout, non? Ouais, puis il a fait plus de buts cette année que toute sa présence avec les Canadiens, je pense. Scott qui? Scotty Gomez. Oh. Alors, check. Voilà, il a été honoré. Scotty. Well, good for you. Nobody cares. Voulez-vous parler de la performance désastreuse des Bruins en ce moment? Ou... Non! T'as moins celle-là. Check. Pendant que les gars se battent pour les bonbons. Check. Alors, ben, les Bruins... C'est dégueulasse. Fuck you, Claude Julien. Voilà, ça a été dit. Check. Oh, face, tu vas se faire mettre derrière. Hey, Claude Julien, t'es sur le hard seat, ça. Par rapport au Bruins, il a été signé en plus, il y a pas longtemps. Ouais, mais il a été signé, puis depuis qu'il est signé, il fait juste perdre. C'est dégueulasse. Je ne parle pas parce que ça va faire weird à la caméra, si tu veux. Pendant que Mart mange des roquettes. On en mange toutes des roquettes. Vu que tu dis. Je suis trop loin. Gia, vu que tu parles de Boston. Vas-y. La classique hivernale, c'est-tu dans tes sujets, ça? Ouais, je l'avais après, puis on pourrait y aller tout de suite, dans le fond. La classique hivernale a été décidée cette semaine. La classique, je vous la classique. Boston-Montréal l'année prochaine. Ça, c'est une classique. Hey, je propose qu'on essaie de se faire un road trip pour aller voir ça. On fait tellement un trip pour voir ça. Ça serait écœurant, là. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est un 1er janvier, par exemple. Allez, geler le cul dehors, man. On a le temps de penser, là. Ah, c'est que t'es chachat. On a essayé de convaincre nos fans. Ah, en fait, j'ai jamais regardé la télé. Deux options. On essaie d'y aller ou on envoie quelqu'un pour aller couvrir ça, là, qu'on payera pas par tout. Non, mais attendez, les boys. Moi, là, c'est sûr que je suis partant. Là, moi aussi, pour là. Vrai, là. Demain matin, j'y vais, là. Ah ouais, on y part toute la famille, c'est. Okay, là, je vois plus, là. Toute la famille. Avec les enfants, là, ou... Ben, nous autres, là. OK, ouais. J'embarque! La famille, c'est pas le cas. Avec les enfants, non. Là, c'est que tu me perdais, là. Fait que checker ça, Price avec une tuque. Ça va être au... T'as mis tes deux petites balles. Au stade des Patriotes. Au stade des Patriotes. En plus, c'est pourquoi j'ai mis la classique entre les Oilers et le Canadien en ce moment sur la télévision. Ah, oh, c'était thématique. Voilà, c'était thématique. Pour ce point. Voilà, exactement. Tout ça pour un point qu'on a passé genre 30 secondes. Si. Bon, un autre point qu'on va passer rapidement sur Jagr, qui devient le plus vieux joueur à réussir un tour du chapeau à 42 ans. J'ai trailé dans mon pool ici. Hey, les gars, Jagr à Montréal, oui ou non? Vite. Non. Ouais. Pour un an, ouais. Pour un an, oui. Pour le restant de la saison, s'il coûte pour pas la, cher, pour la coupe. Pour la coupe, oui. Non, moi je dis oui, man. Jagr, je prends. Moi. Oui, oui, cette année, juste pour l'année, juste pour la fin juste pour de l'année. Jagr, Blacky, c'est 4, je vois le Jagr, la Jersey de Montréal, man. Ouais. Pour finir, jamais. Pour finir la saison, puis avec. Il veut pas. Mais tu sais, un deal. Il y a eu trois chances de venir. Un steal, là. Un steal à la Vanek. Il n'y a pas de clause de non-échange. Un steal, wow. Un steal à la Vanek, là. Parce que je donne pas gros pour lui, là. D'où la Moriello, par exemple, c'est un estime. Il coûte cher. Queue, fait que d'après moi, il va demander pas mal. Hey, c'est le DG des DG, selon la Ligue. Ouais, la Moriello. C'est le DG du club. La Moriello, il va demander des pires. Résidences Soleil. C'est le tsar du hockey. Non, ben, bon. Hey, pendant qu'on parle justement des taux de chapeau de Jagger, savez-vous d'où vient l'expression taux de chapeau? Ça a été fait dans il y a plein des années que le joueur allait s'acheter un chapeau. Non, en fait, ça vient de Montréal, cette expression. Ouais, c'est moi qui tiens le chapeau. Non, c'est même pas ça, c'est. J'ai pas le nom de la compagnie, mais. Dupont et Dupont, non? Non, c'est quelque chose d'autre. J'ai vu les noms, mais je m'en rappelle plus, mais c'est quand entre les années 50 et 70. Il y avait le chapelier de Montréal qui donnait un nouveau chapeau à chaque joueur qui faisait trois buts, pour vrai. Donnait un nouveau chapeau. Ouais. Puis, ouais. Dans le temps des gros chapeaux, là. Non, mais Chris, c'est Sainte-Catherine, ça. C'est le gros mur. Ouais, là, j'ai un blanc, je l'avais pas dans ma c'est feuille, mais. Non, man. On est frais à Montréal. Ah, ben ouais, il faisait ça. Il faisait un nouveau chapeau. À chaque trois buts, t'avais un chapeau gratuit. Ouais, quand à Détroit, c'est quoi? Il lui donnait une pierre. Une pierre sur la tête. Mon hostie, dans le temps, tous les hommes portent un chapeau. Ah, ouais. Un feutre. Un feutre. Un feutre. Mm-hmm. Alors, passons au prochain sujet. C'est pour ça qu'ils disent encore aujourd'hui, enlevez, retirez vos chapeaux et casquettes, même si personne porte un esti de chapeau, vous semble belle. Ben, tu vois, Alex, tu me dis ça, puis j'ai le goût de mettre un chapeau pour aller voir une game du Canadien, juste pour l'enlever. Un chapeau de Toblin. T'en as un direct là. Moi, j'en ai un. C'est un chapeau Corona du sud, ça n'a pas rapport. Non, mais c'est parce qu'un chapeau, ça se lance bien en plus. Tu lançais ça comme ça à terre. Comme dans James Bond. Même si c'était en haut aussi, tu peux le flipper. Ah, c'est ça. Puis il continue de tourner, il faisait faire de l'effet. Près de sa gueule de la t'entends-tu pendant les hat-tricks, il y a de moins en moins de casquettes. Je ne serais pas ma calotte. Ça va te chercher c'est 40 pièces en casquette. Casquette. Non, mais tu peux aller chercher après. Hein? Ah oui? Non, ouais, non, je suis sûr que tu peux aller chercher après. Non. Ah non, je pense pas. Ils passent un scraper et ils collent. Fait que les livres qui lancent leur chandail, ils peuvent aller chercher leur chandail après. Non. Les autres, c'est direct dans la. Ah non, non. Ça marche vite que ça s'en va. Ils donnent ça. Ils donnent ça aussi au club des petits déjeuners, ces casquettes-là. Avec les belles casquettes starter, avec les étoiles non, dedans. Là. Je me rappelle Lara qui arrêtait pas de dire qu'il avait sti encore le sac de casquettes qui puait chez lui. Vous rappelez-vous des casquettes starter? Lara qui a fait un taux de chapeau. Ben oui. Imagine. J'en ai une. Ben non. Lara. Les casquettes starters de quand t'étais jeune, il y avait une rumeur que tu pouvais décoller les étoiles en arrière puis que t'avais une casquette gratis à un moment donné. Ouais, ça prenait 20 étoiles, quelque chose de même. Y'a-tu quelqu'un qui a vraiment eu une casquette gratuite ou c'était juste une fausse rumeur? Là, moi, ça? En tout cas, ils m'ont fait pleurer chez des hôtels. Là, c'est une bicycle à la prairie, ça? Ouais, c'est là qu'on trouvait les casquettes starters. Sors le doigt. Call out des hôtels qui est encore vivant à 98 ans. C'est un bon flash, hein? Des hôtels, vos Bessics, vos pas de la mort! Si, avec pas vos comme... casquettes starter, vous dites. Il existe encore des hôtels? Ouais, ouais. C'est encore, puis c'est encore liste de bons magasins. Ouais, je pense que ça a fermé. Je pense non, que non, c'est encore ouvert. C'est encore ouvert? Puis c'est encore le bonhomme des hôtels qui est là, qui a 98 ans. Il est pas mort, tabarnak! Il est encore vivant. C'est quoi ça? C'est à côté de chez Bonus? C'est une poudre de prairie, ouais. À côté de chez Bonus, ça se tient. C'est à 104, le marché de la vente. Non, c'est chaud, là, comme plus loin. Ah, je pensais que c'était le chemin Saint-Jean. Qui est genre pas refaite, là. Oh, le mail, genre, là, où il y avait à tabagie. Non. C'est non, la rue, c'est le boulevard Saint-Rose. Tu vois pas, là. Ok. Il est perdu dans les rues. Anyway, on s'éloigne, là. Okay. Je connais pas. Pas loin de la... Justement, tu t'éloignes, là, pour le trouver. Pas loin de la place où il y a les bonbons rustiques. Parlons Mike Ribeiro un peu. C'est d'où je parle, là. C'est temps de parler de Mike Ribeiro. C'est l'heure de Mike. JF, des infos. Moi, j'ai une info aussi. Présente. Ben, en tout cas, quand j'ai noté la statistique, Mike Ribeiro était le deuxième meilleur différentiel à l'étranger de la Ligue cette saison. Une bonne saison. C'est bien pris le 3-19-22 brillant plus 15 à l'étranger. C'est bien pris en main. Jeff, t'avais des trucs par rapport à ça aussi, ben, à Ribeiro? Oui, ben j'aimerais commencer à demander à nos auditeurs puis à vous aussi. Avez-vous pris l'émission de Louis-Jean Cormier? Oui. Louis-Jean Cormier. Y a-tu quelqu'un? C'est le gars de la voix, ça. Louis-Jean Cormier. Y a-tu quelqu'un qui connaît Louis-Jean? Non. Tu sais, excuse-moi, mais en tout cas, il a ben, fait Joe que, Louis. Je sais que lui, il a un esti de peau de pénis, en tout cas. En tout cas, il s'habille au château, puis le château, c'est du linge de fif. Fait que Louis-Jean Cormier a fait un... Il a la face lisse, mon gars, c'est débile. On dirait qu'il a été shiné comme... Non, mais moi, il me fait penser... Moi, sérieusement, il me fait penser un peu au gars qui anime genre deux gars en or, mais celui qui est pas l'autre, là. Tu sais, lui qui n'est pas dans... Ça, c'est précis, man. Lui qui est pas chroniqueur dans la presse, là. Gauthier, lui qui s'appelle Gauthier, qui a un W, là. Il y a une vague dans les cheveux que j'ai, c'est comme Wario, il est encore avec son doigt. Oui, parce que j'ai commencé à dire à Louis Jean, remets ton veston à Beetlejuice, il l'a demandé hier. Mais non, pour revenir à l'émission spéciale de Beetlejuice, de Mike Ribeiro, il se ressemble un peu. Ok, puis là, on s'entend que c'était une émission, c'était vraiment Mike Ribeiro. À cœur ouvert. Confession, la patte croisée, tu sais, comme genre fancy un peu. C'est ça qu'on s'est dit, on l'a vu comme, oh, il y a la patte croisée. Il y a la patte croisée, c'est pas bon signe. C'est la Barbara Waters, là. Mais ouais, ça faisait. Mais Mike Ribeiro, les boys, là. On s'est entendu que c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, là. Non, mais il est solide. Si on retourne en arrière, ça a commencé avec le DG des Coyotes de Phoenix qui le met dehors parce qu'il dit qu'il y a des troubles hors glace. Deux semaines après, Boston fait la même affaire que Tyler Seguin. L'affaire, c'est qu'ils l'ont mis dehors, puis après ça, mais les prédateurs l'ont engagé pour 1 million. Puis là, il sort une émission spéciale comme s'il était en désintox. Puis là, c'est la rédemption Mike Ribeiro. Mais il a été en désintox. Il a été en désintox pour vrai, là, ouais. Tout le monde connaît l'histoire de la femme de Mike Ribeiro. J'espère que vous écoutez nos épisodes. Au pire, la danseuse qui est mise enceinte. Au pire, écoutez l'épisode 3-4. Mais de source sûre, si on retourne dans le temps que Mike Ribeiro jouait pour le Canadien de Montréal, il y avait un tournoi de golf à Brossard. Et puis Mike Ribeiro était un ici. C'est local, mon gars. C'est tellement précis, là. C'est local en plus. Mais vous allez voir quel genre de gars qui est. Fait que tournoi de golf est fini, puis là il demande à la personne, il dit avant le souper de ce soir, j'aimerais ça prendre ma douche. Fait que la personne, elle l'amène dans sa chambre d'hôtesse, qui était pas brillant, mais d'un côté, tu sais, elle voulait pas perdre son hôtesse. Non, esti, pendant toute la ronde de golf, il montrait ses têtes. Oh, check, il était tout mis en. Il l'a pas violé, il a fait un enfant. Regarde ci, regarde ça. Fait que là, il veut prendre sa douche. Fait qu'il rentre dans la salle de bain. Puis finalement, elle a fait ses affaires, tu sais, sous le laptop. Il sort une nuit, puis il dit ah ouais, ma chanson. Il sort de la salle de bain, pas de serviette, puis il est planté de même, puis il dit j'ai pas de savon. Hey, il a probablement voulu la fourrer. Puis deuxièmement, là, elle on a arrête tout ça, t'arrives. Hey, elle l'a sorti de sa chambre d'hôtel à poil. C'est pas des jokes, les boys. Fait que Mike Ribeiro, toi, pis ta petite famille, là. Moi, j'aimerais bien savoir de où sortent ces rumeurs ou ces informations-là. De sources sûres, j'ai travaillé pour Canapé. Ouais. Good. Good. Puis c'était vraiment ridicule de sa part. Tu sais, Mike Ribeiro, là, qui va prendre sa retraite, là, on s'entend. Elle l'a invité à sa chambre. Mais malade, sérieusement, là, des histoires de même, là, il y en a comme tout le temps, là, dans la Ligue nationale. Je sais, mais c'est pour ça que je te dis que l'émission de Louis Jean, c'est fake en crise. Quand Mike Ribeiro va prendre sa retraite, il va caler son chum Dagenais, qui est lait en tabarnak, puis Théodore, puis ils vont ouvrir une franchise de bouffe mexicaine qui s'appelle les Trois Amigos. Les cheveux. Ribeiro, probablement un portugais. Les cheveux. Ah, c'est pas un Pollock. Garde ça en tête, les Trois Amigos. J'ai ça dans les questions du public tantôt. C'est quoi et vous? En tout cas, merci Malette aussi pour cette anecdote précise. Bref, ça c'est pour dire très à tout le monde que Mike Ribeiro. Détaillé! Mike Ribeiro, c'est un institut de cul. Chris, fuck you, tu fais pas pitié pantoute. L'année prochaine, là, il va retomber sur la poutre. Puis il est déjà sur la poutre présentement. Mais non, il est pas sur la poutre. Il est sur la poutre. L'histoire de ton ami, elle disait-tu si, mettons, Ribeiro avait le casse au vent ou. Non, tout ce qu'elle pouvait dire, c'est qu'il faisait dur en tabarnak. Parce que même quand t'es portugais, excuse-moi. Mais le pénis, il est pas gros. C'est tellement gratuit. Oh my god! Wow! Moi, je pense que je me dissocie de tout ça et je m'en vais. Mais pour que je m'en aille en plus. Pour... Bon, ben, regarde, ben, bref, fini. Ça tombe du bien la cloche puis les commentaires désagréables de JF. J'ai pas parlé de Phil Kessel encore. C'est toujours Alexandre, on t'utilisera pas en tir de barrage. Qu'est-ce que tu veux? Si t'es à partir, vas-y. Ben, c'est ça. Il faut faire une entente, vous autres, ou on continue pendant que mon frère s'en va? Continuez, je vais y ouvrir la porte. Bon, ben vas-y, Alex. Moi, je vais continuer avec tout ça pendant que. Alex, salut. Alex ouvre la porte à l'autre Alex. Bye, ciao, Alexandre. Ouais. Tu reviendras à l'épisode 8. Bon, j'avais une note par rapport à Jaron McGinley. Tu me dois 20$, ça fait l'année. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Jaron McGinley. Jaron McGinley, la porte ouvre des rottes, des paris qui se prennent avec des poignées de main, je sais pas trop, ok. McGinley aurait dépassé. Jaron McGinley, c'est. Calvaire! Non, tu pas ça, Dave. Et Guinla a dépassé Mike Bossy au 20e rang dans les buts pour la Ligue nationale. Là, j'ai les chiffres 574. Il me semble que c'est beaucoup. Je pense que j'ai fait une faute de frappe, peut-être. Comment de quoi? Ben Mike Bossy, tabarnak. Ça a été un hostie de scoreur dans mon goal. Est-ce que Higgins-là a fait 574 buts? Je pense c'est bien possible. C'est vraiment ben ouais, parce, ouais, qu'avec, parce que Mike Bossy a joué combien de temps? Pas longtemps. Il a joué une dizaine d'années, je dirais, là, Mike Bossy. Là, pas tant que ça, parce que sa carrière a été courte. Ouais, j'avoue lui. Que ça fait une dizaine de 50 buts. Mais Mike Bossy, tabarnak, ça a été, il a scoré 5 saisons de 50 buts et plus Mike Bossy. C'est vrai, j'ai eu un article qui disait que Mike Bossy était probablement le meilleur joueur de tous les temps de la Ligue nationale. Ben, non, parce que le meilleur joueur de tous les temps, que le monde y dise, même over Gretzky, c'est Bobby Orr. C'est lui qui aurait été comme... Ben, il aurait défini la défensive dans ouais, non, mais tabarnak, il a gagné le championnat des scoreurs. En étant défenseur. En étant défenseur. Ça n'arrivera plus dans le hockey moderne, ça, probablement. Ouais, mais même à ça, dans son style de jeu, c'est lui qui est statué comme le plus grand joueur. Mais c'est juste parce que sa carrière a été courtée, parce que si sa carrière aurait continué, ça aurait été phénoménal, là. Même, en tout cas. Ça, Mike Bossy vient de se faire dépasser au 20e rang par Jérôme Higuinla. Ah ben. Le sarrasin. Pendant qu'Alex est revenu au micro, ouvrez la porte, voilà. Le noir pâle. Il a joué de 78 à 87. Puis check toutes ses saisons. Il y a, je pense, 5 saisons de plus de 50 buts. Il y a, il y a 50... Attends un peu, c'est-tu début? Ouais. 53... 69, 51, 68, puis parle ton micro aussi, 64, 60, 51, 58, 60, 38 la dernière saison. Fait combien de saisons avec 50 buts? Parce que ça fait 5, je pense. Ah, combien de saisons avec 50 buts? Ouais, et plus, ouais. Ben, pas mal, là. 9 saisons, man. 9 saisons. C'est un esti de. Il a joué 10 saisons. C'est incroyable. 10, j'ai jamais mais compris pourquoi il y a une dynastie. Il a pris sa retraite. Parce qu'il est blessé, je pense, ou en a fait la même. C'est pour ça que quand il parle, on comprend pas grand chose. Ou... Ben ouais. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est que t'es rough, mon gars. T'es harsh en crise. Bon, anyway, les gars, il me reste 2 points avant les 4 questions du public. Go. Brodeur qui a obtenu un leave of absence. Oh, good for you, good semaine. Prends ta retraite, Brodeur, ouais, man. Arrête de te faire mal, man. Get the fuck out. Get the fuck out. Tu n'auras pas tes 700 victoires. T'es sûr que Jeff a des infos, là. Non, mais pour ceux qui ne savent pas de nos auditeurs. Il a-tu fourré une fille d'une chambre d'hôtel? Il a fourré la soeur de sa femme. On le sait. On le sait, défoncé des portes. Ta soeur est gros comme qui? C'est roi. C'est roi. Peut-être des VHS. Ça, c'est roi aussi. Le problème de Brodeur, c'est parce que dans sa tête, lui, c'est un gars de statistique puis il veut gagner sa 700e victoire. C'est pour ça qu'il n'est pas prêt de prendre sa retraite. Il a combien, là, présentement? Il a 91. 91, il est pas loin, là. Il veut se figer dans le temple style. Il va être là, Brodeur. Il sera indétrônable. Il a tous les records. Il veut un chiffre. Ouais. Il va atteindre le 700e puis arrêter là. T'sais. Ben, excuse-moi, mais Brodeur, tu l'auras jamais. Hey, m'a t'en donné un chiffron, un gros zéro. Et voilà! Dernier point around the NHL, puis bizarrement, c'est pas moi qui ai des informations. GF, t'aurais des rumeurs sur Toronto en ce moment, puis Phil Kessel, je pense. Vas-y avec ça. On sait que ça va pas. Tu sais, tout le monde se pose la question. Kessel. Kessel? Mais la rumeur demande de l'échanger, mais est-ce que quelqu'un s'est posé la question, c'est quoi le problème avec Phil Kessel? C'est quoi le problème avec Phil Kessel? Ben c'est passionnant. Si vous regardez sur Twitter, il y a une couille? Je sais pas. Non, l'unicouilliste. Il y a 2 ans, il y a une rumeur qui est sortie de Phil Kessel, puis je me demande si ça l'affecte pas sérieusement, parce que la rumeur court que Phil Kessel serait gay. Est-ce que je m'en allais dire il est gay? Ben, la rumeur court que c'est ça. Qu'est-ce que ça change? Okay, puis qu'est-ce que ça fait? Non, mais c'est parce que... Il n'y a pas un bon village à Toronto? On parle de... Non. Non, mais vous avez trouvé une botte. C'est quoi le problème? Ils n'ont pas de parade, c'est-tu? Non, mais à Toronto, là, tu sais comment est-ce qu'ils sont, le monde? Ils sont sans dessin, en sacrament. Ils n'ont aucun respect. Ça, oui. Ben, je pense que t'es mieux à Toronto que d'être d'un marché américain, je pense. C'est mieux que jouer là qu'en Arizona. Ah non, s'ils sont dans Arizona, mais tu sais, il y a eu des joueurs de la Ligue de football de NFL qui ont déclaré qu'ils étaient gays, mais dans la Ligue nationale de hockey, il n'y en a pas eu vraiment, je pense. Ben, il y en a un, puis il ne joue pas dans NFL, là, en plus. Là. Non, mais... c'est le jeune là, que ça se peut que les droits appartiennent aux Alouettes. Là, Il n'y a pas eu beaucoup. Ils ne sont même pas dans NFL, eux autres, calices. Il y a eu des rumeurs il y a une couple d'années avant que Georgia se marie qu'il dirait peut-être. Il y avait même des rumeurs que Markov était gay parce qu'il s'est fait prendre la photo avec une camisole à côté de. Non, mais il y a 20% du monde qui sont gays. C'est sûr qu'il y en a. Il n'y en a pas en Ligue nationale, on ne sait juste pas. C'est deux crises d'affaires, on n'a pas besoin de savoir. Non, ça n'a pas rapport. C'est une affaire qu'on se calisse dans le fond. Non, moi, je pense que Phil Kessel, c'est un esti de grand gueule. C'est quelqu'un qui tue un vestiaire. Il est super bon. Mais c'est ça. Mais t'as-tu vu le nouveau coach qui est arrivé à Toronto? Puis il a comme donné de la merde un peu sur le banc. Puis la face qu'il faisait au nouveau coach, genre là. C'était comme, hey, ferme ta gueule. La fois la plus récente qu'on a vu la même genre d'action, c'était Crosby avec Bysma. Ouais. Fait call, c'est ouais, ça, c'est d'implication. Mais c'est ça. Mais Kessel, il a fait ça avec le nouveau coach. Le nouveau coach, il parle de loin. Tu vois que Kessel, il fait une farce sans vouloir dire. Ça te montre l'attitude en général du gars. Vous êtes Brendan Shanahan. Est-ce que vous gardez Kessel? Ah, il est pas gay, Shanahan. C'est pas comme si t'aurais. Pour le vrai, pour le moment, c'est pas comme si t'aurais le choix. Mais si tu veux vendre, vends-les. Ouais, moi, je. Kessel, je serais capable. Tu veux faire ton équipe à l'entour de Kadri puis Bozak? Non, mais gars, j'ai du vomi dans la bouche quand tu m'as dit ça. C'est le jeune. C'est la seule affaire que... Ouais, mais t'as peu. Non, mais Toronto sont mal partis. Le capitaine, c'est qui? OK, on s'entend-tu? C'est qui le capitaine? C'est Dion Phaneuf. Bon, c'est ça. Si on s'entend-tu que t'as déjà deux strikes, Asti? Imagine le vestiaire là-dedans, tout Chris. C'est Dion Phaneuf, man. Puis Kessel, c'est la seule monnaie d'échange qu'il y a pour remporter. Il y a personne qui veut Phaneuf, calice. Le problème, c'est qu'ils viennent de le signer, Phaneuf, l'an passé. Il y a personne, Asti, puis il gagne 6 millions calis par année, ou je sais pas quoi, le 7, c'est ça. Phaneuf, man. Ça n'a pas de crise d'allure, puis ça, là, c'est un gars qui split un vestiaire, man. C'est dégueulasse, tabarnak! Tu peux pas nommer Phaneuf, calice, capitaine! C'est la seule façon, hostie! En passant, là, un petit. je me souviens québécois, là, Brendan Shanahan qui a fait un tour d'hélicoptère. Là, ouais, ça c'était. Et ça, il a-tu pour des gars à Georges, il a pas voulu faire son petit tour d'hélicoptère à Toronto? Hein? De quoi tu parles? Ben, parce que. Dans le temps, il avait essayé d'aller chercher. Ouais, c'est ça, Shanahan, puis il avait amadoué, puis il a fait visiter la ville, puis un petit tour d'hélicoptère. Shanahan! Mais vraiment. C'est là, quoi ce call-out là? C'est comme. Non, mais. C'est un chip, c'est un Shanahan, là. Un semi-call-out. Il a lâché une job assurée dans la ligue pour punir des gars qui boivent de l'eau au banc. Ben là, vraiment, là, le problème, c'est que. Quoi? Non, mais Shanahan, vraiment, ses suspensions, c'était n'importe quoi, là. Ah, on s'entend que Shanahan. Punir là, des là, gars comme, qui boivent de l'eau. Ben, t'as pas vu la chose de Will Arnett, là? Là, tu me parles de Will Arnett, le gars de Arrested Development. Là, ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, il faisait des gags là-dessus. Ben, OK, on a vraiment pas fait YouTube le bon t-shirt. Ça. Faut changer ça pour le mallet show, man. C'est mal. Non, mais... il va passer son 5 podcast chez eux. Toronto, là, sont pas... Tu sais, Shanahan, là, il s'est entouré d'un jeune de 27 ans qui est capable de compter jusqu'à 3 pour savoir c'est qui est bon sur la glace. Ça, c'est son move de l'été. Nous autres, Bergevin, il engage Stéphane Waite. L'année passée, puis lui engage un gars de 27 ans qui n'a même pas fini son secondaire. Bon, fait que Mart, ça va nous prendre un nouveau jingle pour une chronique Les rumeurs à mallette, je pense. Là. Non, mais vraiment, à Toronto, excusez-moi. Ah, là, mais Toronto, ouais, mais c'est des profs, est-ce propriétaires du club. C'est encore ça, des profs, propriétaires du club de Toronto, des profs. Des profs? Ouais, ben avant. Des profs? Ouais, c'est un comité de profs. Vous ne saviez pas? Non. OK. Là, ce que tu parles, c'est un fonds de pension. Puis ça, c'est un fonds que... C'est comme la Caisse de dépôt du Québec, là. C'est eux autres qui mènent les... Si la Caisse de dépôt du Québec investirait dans le Canadien Montréal, tu dirais que c'est que le Canadien Montréal appartient aux Québécois. Là. C'est pas la même affaire. Ben, à Toronto, c'est qui mène? Personne en ce moment. C'est... À Toronto, c'est l'hostie de marde de calice. Il y a des équipes là, qui ont fait l'hostie de marde. C'est drôle, j'entendais ça il n'y a pas longtemps. Mettons, tu reviens à Montréal. Là, okay, là. Tu sais, là, dans le temps que c'était gainé, là, puis chose là, qui voulait. J'entendais ça il n'y a pas longtemps, justement, à la radio. Quand ils ont voulu faire le trade pour aller chercher Vincent le Cavalier, qui voulait trader Subban, Price. Puis probablement Pacioretty, man, ouais, pour aller chercher Vincent le Cavalier. Pendant ce temps-là, il y avait des gens de fans, genre, qui demandaient de trader Subban pour. Ouais, mais tabarnak, on s'entend. J'ai toujours aimé Subban, Esti. On s'entend-tu que t'as dit. Ouais, mais c'était la panique, il fallait trader Subban. Ouais, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas réussi. Ça marche pas, Chris. Il n'aurait jamais changé Price, là. Non, non. Mais il voulait trader Subban. Il n'y a pas Price, hein. Non. On ne s'entendait pas dans ce temps-là. C'était entre les deux podcasts, si. Il y avait des rumeurs d'échange avec Kessel, puis il y a Air Canada qui ont tweeté comme en faveur d'un échange avec Phil Kessel. Son propriétaire du Air Canada Center, est-ce que c'est comme si Jeff Molson disait comme fuck off. Il y a un conflit d'intérêt. Ouais, mais c'est quand même le Air Canada Center. Ouais, mais c'est comme le Bell, le Centre Bell, ça appartient. C'est comme une compagnie qui tweet une affaire directe sur. C'est un gros commanditaire, mais. Ouais, mais c'est pas eux autres. Ouais, mais attends un peu là. Ça, c'est clairement un bad move du rep qui fait le tweet. Ben oui, sérieux, t'as pas d'affaire à dire un call de même. Il y a un conflit d'intérêt. En tout cas, une chose est sûre. Il a perdu sa job le lendemain. Savez-vous, c'est quand le printemps, les gars, ça commence? Le printemps érable. Est-ce le printemps, c'est quand les livres sont hors des séries? C'est bien. Ils sont out, asti, là. It's spring, the leaves are out. Ça, c'est une expression canadienne. Bon, alors, est-ce que vous avez d'autres sujets around the NHL avant de passer aux quatre questions du public? Le match des étoiles. Ah oui, on pourrait passer rapidement là-dessus. Il y a le match des étoiles qui s'en vient demain, je pense. En passant, là, les Leafs, là, présentement, là, sont loin d'ici. Ils ont compté deux buts en cinq... Non, excuse-moi. Ouais, deux buts en cinq games. Quelque chose de mal, ça fait dur en cinq. Ils sont fait blanchir trois fois en cinq games. Ah ouais. Ils ont compté deux buts. La semaine du match des étoiles, elle est probablement la semaine la plus plate de la saison. On s'en calisse du match des étoiles en général. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les trucs d'habileté. Là, mais... Moi, ce que j'aime le plus, c'est le repêchage. C'est tellement excitant. Ils vendent, ils donnent un char. Vas-y, GF. Ben, premièrement, je Il a sorti son doigt, là. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Je voulais le flatter, mais je voulais juste relater une chose au niveau des absents. Sidney Crosby, pouvez-vous me répondre ça? Combien Crosby. De... Sidney Crosby. Ou Crosbitch ou whatever. Combien de matchs des étoiles a-t-il participé depuis? Un. Hey, ça fait dur en sacrament, Asti. Non, mais vraiment, là, le mieux, Gretzky, à tous les ans, c'était le match des étoiles, puis Crosby... Il est blessé. Gino Malkin, il est pas là non plus. Non, il est pas blessé. Check bien ça, il va revenir. C'est pas ça, il va revenir mardi. Il va revenir mardi. Non, faut qu'il manque un match. Je suis prêt à gager qu'il va revenir mardi. Faut qu'il manque un match. Non. Hey, écoute, à voir. Crosby, là, le problème, là, c'est que la femme elle a mis, il coupe encore son steak à maison. Non. Non, vraiment. Il y en a des joueurs que s'ils ont besoin de se reposer, ils vont dire qu'ils sont blessés pour qu'ils restent à la maison. Moi, sérieusement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour de vrai. Le match n'a aucune importance. C'est pas l'affaire là. Moi, puis pour mon équipe, j'aime mieux dire qu'il est blessé puis on va te reposer. Honnêtement, avant pour qu'on fasse ça. Honnêtement, là. C'est trop de cul. On aura. C'est trop de cul. T'as beau dire que c'est trop de cul, Valette, là, sérieux, là. Crosby, c'est quand même un des meilleurs joueurs de la. C'est le meilleur. C'est le meilleur joueur qui existe. Ça, c'est un fuck you aux partisans. Ben, c'est pas un fuck you. Non, c'est un fuck you à NHL plus qu'aux partisans, man. C'est ça, parce que NHL, eux autres, ils veulent l'avoir là parce que c'est un gros revenu. C'est leur plus gros revenu, Crosby. Je vais faire un statement, là, mais je pense que les partisans s'en calissent, les images d'étoiles. Ben, pas Columbus. Ben, c'est juste pour les jeunes. Columbus, ils ont rien. Non, mais attends un peu. La ville où le match des étoiles a lieu, c'est sûr qu'ils vont avoir du monde. C'est un happening. Je vais te dire, moi, ceux qui sont plus en calisse, là. C'est les commanditaires. Ah ouais. Tu sais, Crosby fait 4 millions par année en commanditaire. Ouais, mais tout, de toutes ses commanditaires. Fait que c'est eux autres qui payent le prix. C'est promo, là, aux States. Ben, eux autres payent le prix. Ils payent même pas le prix. Ils sont des journalistes tout le temps. Ils leur rapportent que le tabarnak. Ben, ça, je sais pas si on a de quoi à dire vraiment sur le match des étoiles. Je sais pas si c'est des infos ou quelque chose. Ben, avant de vous nommer ceux qui étaient partis, ceux qui n'ont pas d'affaires là, mais le match des étoiles, là, seriez-vous d'accord que pour que ça ait du sens. Pourquoi ça serait pas l'Est contre l'Ouest, puis le gagnant gagnerait l'avantage de la glace, comme au baseball? Parce que les directeurs généraux de la Ligue, ils vont jamais vouloir faire ça. Ils ont la misère à changer un règlement. Non, oublie ça, ils font pas puis ça. En venant tantôt au podcast, j'écoutais justement ça. Non, mais c'est. Hey, OK. Oublies, hey, GF, c'est ça, là. Si tu fais ça, là, tu fais une game qu'il faut gagner. Là. Ben ouais. Puis oui, pour gagner, ben, c'est quoi ça prend? Okay, ça prend de la toughness, puis après ça, les joueurs, ils pensent aux playoffs, calice. Ouais, tu veux pas arriver, man, puis jouer une game intense. Ils font ça au baseball. Ah, mais baseball, tabarnak. Au baseball, là. Au baseball, tu vas t'éronfler un genou. Au baseball, ça t'es raflé les genoux en slidant au deuxième ou en genre en glissant pour pogner. Ouais, non, mais il y a un enjeu, tu veux pas, il veut ballon, gagner. Man. Moi, j'ai une affaire à dire pour le match des étoiles. Je m'excuse, mais une mise en échec au match des étoiles, ça n'a pas sa place parce que tu vas ramasser le gars, tu vas le sortir pour la saison dans un match qui sert à rien. Fait qu'ils font jamais ça. En tant que DG, tu veux même pas qu'il y ait de la compétition. Tu veux pas envoyer ton gars là, ton meilleur gars là, puis qu'il se fasse blesser. C'est un fucking show. Moi, je suis le directeur général. C'est un fucking show. Je pense qu'on se fasse blesser. On peut dire, on peut être d'accord sur un point que le match des étoiles, le chandail cette année est laid en tabarnak. Ah oui, sacrément. Tabarnak. Fucking laid, man. Qui a designé ça? Ben, ça paraît pas sorti, t'as pas sorti l'extrait, man. Non, de quoi? Chandail, il est dans le tabarnak. Ah, je l'ai quelque part, ça, je pense, d'ailleurs. Ouais, Pedno qui parle des chandails de Buffalo. C'est le temps en esti. Il est en tabarnak, c'est ça. C'est Pedno. Pedno qui dit ça à Pierre Wood. T'as pas entendu ça, man? Non. Il est là en tabarnak. Je l'ai ici. Hey, c'est là en tabarnak, ce costume-là, Pierre. Ce costume-là. Il me semble qu'il était mieux l'autre. Il me semble qu'il était mieux l'autre. C'est la tabarnak, c'est ça, Pierre. Ce costume-là. Il dit un costume. Si tu veux vraiment parler des gars qui sont pas d'affaires là, man, ça va bien trop long, man. Ben non, on va les rapidement. Il y en a plein. Il y a l'équipe Taze et l'équipe Foligno. Foligno pas d'affaires là. Corey Crawford. Vous savez pourquoi Foligno est là? C'est parce que c'est Columbus, puis ça prend un gars de Columbus pour être capitaine. Ouais, c'est ça. Après ça, si je fais le tour des joueurs rapidement, là, est-ce que. Jurgensen. Patrick Elias, est-ce qu'il y a d'affaires là? Juste pour votre info, les boys, là, Ben oui, faut, vous le savez peut-être deux jours, remarque bien. Ben Crosby a callé qui irait pas. Malkin a callé qui irait pas. Même Verbal. Il y a plusieurs joueurs qui ont callé. Ekblad est là. Ouais. J'aurais mis Subban avant lui. Pour mettre. Qui c'est qui ont callé? Johnny Gaudreau. Ben Johnny Gaudreau était déjà là comme recrue, puis ils l'ont mis à la place d'un joueur qui aurait pu avoir de la place. Zetterberg a 42 ou 43 c'est points. C'est vrai, Tabarnak, il est même pas là. Il est même pas dans le crise de match. Moi, je pense que le West va gagner. Je regarde ça. Bon. Johnny Gaudreau, là, c'est le nom le plus ridicule de la ligue. Ben, Johnny Gaudreau. Il est même pas québécois, je pense. On dirait un gars qui sort de Slapshot. Ouais, non, il peut venir de la Louisiane. Il vient de l'Ontario. Bon, regarde. C'est un Canadien, mais c'est. Et Justin Falk, là, excuse-moi, parce que dans le fond, ils sont obligés d'avoir un représentant par club. Mais j'aurais mis Subban. Je l'ai vu, lui, au Tim Hortons en face de ma job. Avant, le match du Canadien. Je le regarde, ce gars-là, je le connaissais pas. C'est l'année passée. Je suis comme, Chris, c'est un joueur de hockey. Tu le vois tout ça, puis après ça, j'ai vu, il y avait son sac, puis il y avait le tag de la Caroline. Je sais que le nom, Justin Falk. Tu sais, l'année passée, t'es vraiment pas connu. Je l'ai commandé un petit matin Egg White. Oh, un petit matin et deux œufs blancs. Des œufs blancs, tu sais, on regarde les protéines. Mais il a pris ça, il a pris sa santé, tu sais. Il est bien fait. Bon, ben écoutez, les gars, je pense que ça fait le tour pour. Ouais, les questions du public. Ouais, non, mais le match, les étoiles, on s'en calisse. Pour le reste, c'est excellent. Demain, c'est la bonne soirée. Ça vaut pas de la marge. Les skills games, c'est les meilleurs. Puis le lendemain, le match, on s'en calisse. Le match, fait qu'allons-y en tir de barrage. J'ai quatre questions du public. Fait qu'on va passer ça rapidement. Il y a Jerry Godbout qui veut savoir, est-ce que Subban mérite tout le hate que certains partisans lui donnent sur Internet? Non. Si oui, pourquoi? Non. Moi, ben, je dirais, non, je l'ai vu sur non, le non, non, puis ce que je vous ai dit tantôt par rapport aux stats. Faut pas dire rien, faut juste dire non, c'est juste. Ouais, mais la oui, question est rentrée quand, là? La question est rentrée aujourd'hui ou hier. Ouais, ça, ben là, c'est sûr que là, les fans ont pardonné, ont passé l'éponge, là, mais je peux dire qu'il y en avait une petite gang de pas contents, puis je peux les comprendre. Moi, je veux dire, le hate. Tu gagnes 9 millions, t'as du hate à moi. Ouais, le hate, non. Les critiques du début de saison, oui, par contre, non, parce qu'il a joué mal en Nesto au début. Subban, connais-tu une excellente saison? Pas à date. Non? Mais il y a des chiffres quand est-ce même. Que, est-ce que oui. Avec est-ce les qu'il meilleurs est-ce... défenseurs de la ligue, il est dans le il top. Il est des meilleurs. Je sais, puis Subban est le premier. Subban est le premier à défendre cette statistique-là. Ouais. Check mes stats. Moi, je suis le premier. Ouais, mais sérieusement, moi, il y a de quoi qui me bug. Il y a de quoi qui me bug. C'est défensif le problème de Subban. Moi, là, il y a une affaire qui m'avait dérangé, puis je sais, puis le monde, pour ceux qui écoutent le show, puis tout ça, vous avez le droit de me trouver et pas de trouver ça. Moi, je suis un peu old school dans ma façon. Quand Subban, il avait scoré son goal en power play, je pense que c'est contre Columbus, que tu sais, on a finalement arraché la victoire là, à Columbus avec nos deux power play, je pense à la fin de la game, quelque chose comme ça. Quand Subban, là, il a connu des hosties de match à marde. Il y en avait en crise à se faire bardonner, je trouvais, là. Puis quand il a scoré son but, il est revenu au bas, puis le gros party, puis tout, là, puis il était comme bento. J'étais comme... Calme-toi, mon gars. Tu viens de scorer un but, puis en plus, t'as deflect de Desharnais. À l'épisode 5, comme... t'as dit la même affaire sur le X de Subban qui fait son signe de X dans les airs. Fais pas ça, man. Calme-toi, Calis, man. Je suis pas d'accord. T'as pas une grosse saison. Il est pas libéré à ce point-là. T'as pas une. OK, il y a le droit, mais Subban, il est quand même assez exigeant. OK, mais Chris, il glisse pas ses genoux avec le chandail sur la tête, là, quand même. Mais il fait tout le temps sa slide, man. Non, mais c'est un trademark, ça. C'est correct. Ça, c'est correct. Mais il avait connu comme, je trouvais, des matchs vraiment... pas ouais, bon avant. Okay, la tête baissée, moi j'attendais. Non, Alex, non, ce que je te dis là. Ben, OK, mais ça, c'est correct. Excuse les autres games. Non, mais Alex, c'est correct. Je respecte ton opinion, tout ça. Il n'y a pas de trouble. Pas. Mais moi, je trouvais que c'est comme. Prends ça cool, man. Il ne prendra comme... jamais ce coup, c'est piqué sous Ben. Je le sais, je le sais. Il fera jamais ça. Mais moi, Alex, c'est ce que je trouve. C'est le type de caractère qu'il y a. Je comprends tout ça, mais moi, j'aimerais ça. Que pour moi, je trouve que ça serait comme plus de sagesse de sa part un peu d'agir de même. Puis ça montrerait un fond, Mark, ça montrerait un petit peu plus de maturité, puis un petit peu plus de « oui, moi, je suis prêt à prendre le lead ». Parce que leader, il va peut-être avoir de la maturité, ce gars-là, un jour, plus qu'il y en a présentement. Mais ça va toujours être le même. Probablement quand même, mais c'est pillé sous Ben. Toi, moi, ce que tu veux dire, c'est d'être exubérant si tu livres la marchandise. C'est ça? Donne-moi un show quand tu vas livrer. Okay. Steady pis égal. Ouais, fair enough. Garde-toi, hein. Mon gars. Fair mais enough. Quand tu livres pas tant que ça, là, pis il y a des critiques à ton endroit pis tout ça, pis tu le sais que tu joues Montréal, pas ton meilleur saison. Il va toujours en avoir. Je le sais, Alex. Je suis tout conscient de ça. Attends, il y a des choses qui s'additionnent. Il est à Montréal, il gagne un hostie de salaire, tout ça s'additionne. T'es à Montréal, tu gagnes un esti salaire. Oublie en ça, partant, t'es jugé. Moi, je suis d'accord avec Marge. Tu passes genre avec deux prises, là, en partant. Mais je vous le dis, moi j'ai une conception du hockey qui est peut-être un peu vieux jeu, puis je suis un peu old school, puis la hiérarchie, puis toutes ces affaires-là. Puis lui, là, sa place. Mais ce gars-là voulait devenir capitaine, il aurait aimé ça. Comporte-toi comme un gars. Il n'est pas prêt à être capitaine, puis c'est ça de le prouver, mais sauf que... Moi, ça, c'est un but. Je suis d'accord avec le point que tu devrais être exubérant juste quand. Quand c'est mérité. Là. Non, mais quand tu livres la marchandise, ce que je suis pas d'accord, c'est de dire que le X qui fait est exubérant. Je trouve que c'est un petit mot trademark. Ouais, mais t'as peu. Ouais, mais t'as-tu vu, c'est fini, là, l'affaire des X. Là. C'est fini. Ça a été une deux passes. Eux autres, là. Ben, c'est sûr. Ça, là, ça, je trouve que c'est faire passer toi avant le team. Pour moi, c'est ça. Je suis pas d'accord, là. Wiz le faisait, man. Come on. Tokarski fait des stunners. Moi, ça m'énerve, ces affaires-là. Gardez ça, là, quand ça va non, être comme... Non, c'est les jeunes, aujourd'hui. C'est les jeunes. Moi, je pense que si ça peut amener, man, si ça peut amener... On vient de gagner 9 games sur 11. Dans le team, puis genre, une énergie, man. Non, t'as peu. Non, ouais, tu sais quoi? Puis après ça, quand le journaliste dit, c'est quoi l'affaire, le X? Ah, c'est une affaire entre nous autres. Mais le problème, c'est Le problème, Mark, qui est là, c'est les journalistes. Sinon, on s'en calisserait. Il n'y a pas personne d'infâme qui parle de ça à part les hostiles journalistes qui font juste dire pourquoi ils font ça, pourquoi ils font des stunners. Nous on en parle parce qu'on sait c'est quoi, c'est Degeneration. Ouais, ça là. Ça fait là. La DX. Degeneration X. Ça, c'est comme moi, j'ai pas le coéquipier. Anyway, la gogosse du X, puis whatever, ça a duré deux games. Ça c'est comme, gars, Terrien avait dit. Non, mais c'est une pause, ça. Terrien avait fait la même affaire. Tu sais, tu viens-tu, là, la fameuse table. Triple low five. Exact. Tu vois, Terrien, là, quand il est arrivé, gars, ça, là, j'en veux pas de ça. OK? Serrez-moi ça, là. C'est garder ça. C'était visé vers un joueur qui faisait rien avec d'autres, puis d'assaler avec d'autres. T'as peu, c'était une paire de gars qui faisaient ça. C'était deux gars qui faisaient ça. Le fait que Waze l'a fait, le fait que Subban l'a fait, le fait que Tokarski l'a fait, c'est juste une affaire de vestiaire. T'as-tu vu la shot de Tokarski quand il avait gagné sa game? Ouais, le stunner. Non, t'as peu. Pas rien que ça. Laissez-moi, OK? Check la shot que Tokarski a gagné son match. Price, il a voulu aller voir Tokarski, puis comme il donnait un bec, puis Tokarski a fait comme, non, man. Il a tourné le dos, là. Il a comme fait, non, tasse-toi, là. Pas prêt à dire ça. Oh, non, je m'en souviens très bien. Oh là là là. En tout cas. Il a trouvé une boîte de Pandore, là. non, je te dis, Alex, sérieusement, Tokarski s'était reviré de bord, puis il a fait évider ça. Tokarski a fait le move que Price a déjà fait, là. Ah ouais? La faille. C'est correct, mais moi, je pense pas que Tokarski en veut à Price, parce que pour le vrai, tu vas perdre cette bataille-là. Non, ça n'a pas rapport. Non, puis j'ai lu que Tokarski et Price s'entendent vraiment bien. Puis c'est moi, je pense que si j'arrive à te donner un bec sur la bouche, ça va me faire oui, ou ça va me faire non. Essayons présentement. Ça dépend. Non, moi, je pense que Tokarski apprend beaucoup de Price, puis Price, il demande beaucoup de choses à Tokarski. Puis je pense que les deux là-dedans. Je pense que c'est un petit non plaisantin. Non. Ok, mais juste pour Martin, ce que tu disais, là, j'ai écouté l'émission Table d'hôtes, là, où que c'est les quatre coachs qui parlaient. C'est Mark. Bon, ça. Ouais, et puis, ils ont posé la question à Terrien pour lui demander. Table d'hôtes. À Terrien, où il y a Pierre Hood, il a demandé. comment tu fais en passant, la crevette avait l'air bonne. Je veux juste dire de quoi. Pierre Hood. Pas un si gros cul, là. T'as-tu déjà vu de bout? Ben oui, dans la table d'hôte, au début, il est debout. Il n'y a pas un si gros cul. J'ai pas vu ça. Moi. Il est de face. Il est de face. OK, ben vas-y, continue sur ton point. Moi, je le trouve réconfortant. Moi aussi. Bon, ouais. En tout cas, je vais vous compter un bout. Il n'y a pas des bouts. OK, d'un peu. Allez, continue, Malette. Il a posé la question à Terrien. Il dit, dans le fond, il dit les joueurs, tu sais, parce qu'il faut connaître leur personnalité, tout ça. Ouais. Chaque joueur, là, dans le fond, il faut t'écouter différemment. C'est sûr. Puis Terrien, sans nommer de nom, il disait, tu sais, il y en a un, il faut que tu torques, puis pas à peu près, il faut que tu les pousses au bout. Fait que c'est sûr et certain que Subban, il est trop excité. Il est encore jeune, mais Terrien, je pense que la façon qu'il gère. Il a des beaux cheveux. C'est une bonne façon. Et puis, je pense que Subban, tranquillement, pas vite, là, on va revoir le Subban des playoffs. Puis, je pense aussi que d'année en année, il va continuer à s'améliorer. Le gars, il a 24 ans. Là, fait que, OK, mais t'as un peu. Ouais, c'est long. Pour vrai. Là, prochaine question. Question du public. Ouais, mais t'as un peu. Il y avait une affaire. Là, Subban, t'as-tu vu comment Terrien, il avait pas crédité le but à Subban en plus après la game? Grosse feinte. Quand il avait donné de la merde devant un journaliste, c'est sûr. Il a dit que c'était à cause de Darnay. C'est à cause de Darnay. On n'avance pas là-dedans. Parce qu'il était en avant du net. Fine, go. Je vous rappelle que c'est des tirs de barrage, il faut être rapide. Sur les OK, sujets. let's go d'abord, excusez. C'est de monter une descente, let's go. Deuxième sujet de Bertrand Shepper qui veut savoir si vous étiez le DG des Leafs, Souhaiteriez-vous faire un trade et finir dernier ou tenter une place en série? Si j'étais le DG des livres présentement, je me tirais une balle. Je serais vraiment pas dans ma place. Là. Je voudrais me suicider. Tu peux pas faire. J'allais dire la même chose que toi. Mais pour de vrai, en tant que DG des livres, tu peux pas faire un ou l'autre. Tu peux pas trader puis tout vendre. Là. Tu peux pas montrer ça au peuple de toi, ben, aux fans de ton. Ben, c'est un peu comme à que Montréal. Tu vends tu tout, vas-y, ben, ça. Puis tu peux pas mettre. Dans n'importe quel marché. C'est un gros marché, le Toronto. Dans un marché canadien, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas vendre. Tu peux pas déclarer forfait. Non. Ben, en plus, Toronto est l'équipe qui rapporte le plus d'argent dans la Ligue nationale. C'est le team numéro 1. Devant le Canadien. Oui, avant le Canadien. Toronto, c'est l'équipe qui a le plus de revenus. C'est la franchise qui vaut le plus cher. C'est le Canadien qui a le plus. Non, c'est l'équipe qui fait le plus de revenus, c'est Toronto. Ah ouais. Alors, les billets à Toronto, là, c'est comme 200$ en. Pour aller voir un team perdre à chaque jour. Tu chiales à Montréal parce que les billets sont 60$ dans la zone de course, là, mais c'est 280$ à Toronto. Hey boy, on n'ira pas au Air Canada Center. Non, donc, finalement, mais ils ont une autre philosophie du hockey là-bas aussi. Si tu checkes ça, juste comme quand il y a eu le Mondial Junior, à Montréal, c'était vide, puis à Toronto, c'était plein. Ben, le problème, c'est ça. Ils ont même pris les billets. On avait pas les billets. La finale puis la finale. Ben, c'est ça. C'est non, tellement pas une comparaison que tu peux faire. L'année prochaine, t'as de contraire. En 2017 ou en 2018? Non, l'année prochaine, dans le fond, cet hiver, ça va être... Les billets étaient bien trop chers. Ouais, mais à Toronto, il a payé ce prix-là. On fait de 13 matchs pour rester. Les billets étaient bien trop chers pour du junior à Montréal. C'est pas l'année prochaine. OK. Non, c'est pas plus cher que le Game du Canada. Ben 2017. C'est 2017-2018. C'est l'inverse qui va se passer. Avant de donner la question. Ça va se passer à Montréal pour les finales. Puis je suis pas mal sûr qu'il va y avoir plus de. Avant de donner la question. Ouais, mais en tout cas. L'avant dernière question du public de Pierre-Julien Poirier. On va aller vite là-dessus. Ce que vous préférez de la fin de semaine des étoiles? Skills Game. Skills Game. Moi, j'aime bien aller faire mon épicerie. Puis... Le congé, pas de gang, on peut faire dodo. Là. Non, demain soir, ça va être cool. Non, mais pour vrai, que j'aime de la fin de semaine. C'est l'après-midi, ça. Pouvoir faire autre chose qu'écouter le hockey, soir, genre écouter un film. Esti, parce que j'ai jamais le temps, parce que j'écoute autant le calice de hockey. Ouais. C'est vrai. Hein? Mais ouais, le. Une game, je suis pas capable de pas écouter la game. J'écoute la game. Entre les deux, il faut écouter nos émissions qu'on a enregistrées pendant. Ouais, c'est ça, là, j'écoute mes shows. J'écoute tous mes programmes. Mon DVR est PS, OK. Dernière question qui nous vient de Nick Chalifou, un trooper de la soirée du podcast. Chalifour. Chalifour qui nous pose une grosse question en plusieurs volets. Alors, je voulais lui complet. Une grosse question, une petite réponse. Ouais. Dans le cadre de l'entrevue de Mike Ribeiro à l'antichambre, lequel des trois amigos était votre préféré, selon vous? Quelle quantité le de... Le portugais avec le petit pénis. Selon vous, quelle quantité de poudre totale ont-ils renifié dans le temps du CH? Un gramme. Et finalement, on a besoin d'un gros allié. Il dit finalement on a besoin d'un gros élève à Montréal. Dagenais, oui ou non? Dagenais. Calme-toi, Nick. S'il sort son slap shot, oui. Slap shot. Son slash là. Il était là en tabarnak, Dagenais. Dagenais patinait avec un piano à queue sur le dos, pareil comme. Ouais, comme mais il y avait des hosties de main. Il y avait un shot. Slap shot, ce gars. Puis des très amigos, on pourrait rejeter Seldon Surrey qu'on voyait. Seldon Surrey. On le voyait régulièrement. Moi, j'ai pas vu l'entrevue. Ouais, pour les fans qui le savent pas, là. Moi, j'ai pas vu l'entrevue. Ils ont peut-être séparé, puis wouh. C'est, fait que qui sont les trois amigos? C'est Jeff, Théodore, Mike, I love the coco, Ribeiro, Pierre Dagenais et puis José Théodore, le gars avec les beaux pantalons TV. José. C'est ça, José Théodore qui trouve que Price il est poche. Moi je vais dire, mon préféré c'est Théo, c'est parce qu'il a joué dans les Boys. Là. Théo, mais ouais, avec toute une performance. Une performance de deux phrases. Cul, mon gars. Tes pantalons, t'es tellement laid dans ce film-là. Où c'est Ribeiro me paye une danse à 10. Théo, tes pantalons sont laid dans les films. Tu portes bien ton nom, José. José. Puis bon, ben, ouais. Moi, je l'ai vu jouer dans les Lynx à Saint-Jean, ce gars-là. J'ai joué contre au hockey comme ça. Bon, Alex, on va repartir ça. Hey, José, comment est-ce qu'il va ton pain? Tabat. Ça là, c'est tellement chien. On finit ça sur une note de même. C'est chien. Hey, attends, faut sortir d'autre chose. Faut pas finir de même. Ouais. Je veux dire que c'est Ribeiro qui fait le plus de poids. J'ai shooté contre lui au secondaire. Dans le fond, les gars, juste le même, je sais pas si tu me permets, JF, de vas-y, parler. Vas-y, je n'ai pas envie de pisser, mais vas-y. Mais tous, avec tous, c'est tout le temps risqué. On est tout le temps comme ça. Non, mais ça va être sérieux, puis je pense qu'on va pouvoir en discuter longuement. La prochaine épisode. La date limite des échanges approche bientôt, puis j'ai l'intention de tweeter plusieurs faits que je trouve sur Twitter ou sur Internet par rapport aux rumeurs. Ouais. Les rumeurs à date, c'est plus des faits cocasses. Il y a une couple de personnes que tu n'as pas le droit de tweeter. Ouais, vas-y. Hockey Insider, You can't retweet. Non, non, oublie ça. Lui, Eklund, t'as pas le droit Eklund, de retweeter. Eklund, non, non, il est barré, Eklund. Tu peux prendre... Pierre Lebrun. Incarcerated Bob, d'habitude, il est pas pire. Bob McKenzie, peut-être. Ouais, mais dans le fond, je vais parler d'une rumeur qui a été lancée à TSN 690. Mais c'est pas une rumeur, dans le fond. C'est tabarnak, pas O'Reilly. C'est un fait. C'est Rick Moffat qui est très bon. C'est lui qui analyse les matchs des Alouettes. Et puis le frère d'Ariane football, Moffat, ça part bien. Puis lui, il y aurait, dans le fond, selon ses sources, de sources sûres, Marc Bergevin aurait rencontré les dirigeants des Oilers d'Edmonton à Nashville. C'est quoi qu'on a de besoin, les gars, de cette date limite? Pour aller Hey, power forward, un gros défenseur robuste. Ouais, on dit même les affaires tout un le temps. Un goaler. Va chercher à l'ac. Un nouveau coach? Ça va être ça que je vais checker de près parce qu'on sait que. Défenseur stable. Non, moi je pense qu'ils vont pas en défense. Je pense qu'ils vont aller à l'attaque. Moi j'irai pour un défenseur. On a du punch à l'attaque. Ouais, moi j'irai pour un défenseur robuste. Je veux que le monde ait peur. Un gros ailier droit. Moi je veux que le monde ait peur de passer à la ligne bleue. Un gros ailier droit. Ben ce serait un bon choix parce qu'un attaquant robuste. Un attaquant offensif robuste. Un power forward droit. Qui va remplacer justement un Gallagher. Je suis pas d'accord. Puis il y a Brice Bois qui s'est ouvert la gueule à TVA Sports. Qui a révélé qu'il voulait O'Reilly. Ryan O'Reilly. Ryan O'Reilly, c'est un joueur de centre. Donne-moi ton call out finger. Donne-moi ton call out finger. Oh, qu'est-ce qui se passe ça? Brice Bois, j'ai le goût de te parler fort en te pointant du doigt. Tout ça pour ça. Ça me tentait. Il n'a pas rien dit. Dans le fond, il s'est ouvert la gueule parce qu'il traite le Canadien là, deux ans. Il a le droit. Là. Je pense qu'il n'est plus son contrat d'exclusivité. Il a le droit. Il est en crise parce que c'est pas lui le citer. Je suis pas d'accord. Moi, j'irais chercher un gros défenseur robuste. Pas d'accord avec quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Les attaquants. On avait des gros défenseurs lents puis vous ne la vouliez pas. J'ai utilisé un défenseur lent. J'ai dit un défenseur robuste. Tu avais un gros robuste. Alan, Alex, il y a juste toi qui l'aimais. Même le coach ne l'aimait pas. J'ai dit qu'on a besoin d'un. Je me rétracte d'abord. Je veux pas un là, vous en voulez un autre. Il a non, fait OK, quoi, c'est pas un... Qu'est-ce qu'il a fait à Allen? Il a chié dans les coins. Ben il a chié dans les le gros défenseur en plus, il a chié dans les coins, man. Mais les deux dans cette position, non, mais je dirais pas un gros défenseur, je veux juste que le monde ait peur de rentrer. Je veux que le monde ait peur de rentrer en ligne bleue. Non, mais est-ce que tu veux un défenseur d'impact, qu'est-ce que tu comme d'impact, dread le mot que je cherchais, voilà. Ça coûte bien trop cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Tout coûte cher. On est riches, tout comme des nazis. On est riches comme Crésus. Non, t'as peu. Tu peux avoir un gros allié doigt qui est pas sûr. Alex, sérieusement, là, des buts, on est capable d'en scorer pour une fois à 5 contre 5. Là. On est capable de scorer des goals cette année. T'as-tu juste des petits alliés droits? T'en as besoin d'un gros pour le premier trio. Non, tabarnak, Alex. On a deux bonnes premières lignes. Ça t'offre pas des séries. Si nos défenseurs font tout le job, on n'a pas besoin de personne à la défense. Si Mélène commence à faire sa job, on n'a pas besoin de personne à la défense. Yeah, moi, je te dis. On a besoin d'un gros ailier droit, par exemple, pour faire les séries. On a besoin d'être plus safe à la def, moi, je te dis. Non. Parce que Price, là. Si tout le monde fait le job, là, on n'a pas besoin. Non, c'est parce que Price, à un moment donné, il va être brûlé à ce titre, toutes les stopper, man. Ben, s'ils font le job à la défense, il sera pas brûlé, man. Ça prend plus de stabilité. C'est qui l'équipe à battre dans l'Est? Quels autres, aussi? C'est le Canadien. Dans l'Est, ça se peut que ça allait. Dans notre division. J'allais dire l'Islanders. Mais non, mettons. T'aimes pas B, man. T'aimes pas B, man. C'est le Canadien. C'est B, man. Fait qu'il faudrait qu'on bâtisse. Après le match contre Nashville, c'est le Canadien. Man. Avec le mode des playoffs, il faut qu'on bâtisse un club pour battre le meilleur club à nos yeux. Puis je pense qu'à nos yeux, dans notre division, pas dans l'Est, mais dans notre division, là, le Lightning, c'est l'équipe à battre. Puis le Lightning sont très bien garnis dans les trois trios offensifs. Fait que je pense qu'il faut qu'on s'arrange pour bâtir un club pour les clencher si on veut se rendre en finale d'association. Moi, je pense qu'on va les battre en série parce que c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience en série. À date, ils m'ont pas prouvé qu'ils étaient capables de les battre. Mais les séries, ils t'ont prouvé qu'ils pouvaient battre, par exemple. On parlait de poudre. Bon, bravo Dave, c'était tout un cas ça. Hein? La poudre? Qui prend la poudre? Non, c'est parce que là, on vient de recevoir un tweet que ça a l'air qu'on nous entendait pendant les entractes pour ceux qui nous écoutaient live. Fait que bon, ben, vous avez eu tout un show. Ah, félicitations. Bravo. Voilà pour vous, ça pendant, fait comme YouTube. Pendant qu'on allait pisser. Ah, c'était passionnant pendant qu'on parlait pas des micros. Let's go. Fait que circoncision, qu'est-ce que vous en pensez? Vasectomie. Ouais, c'est ça. Père Dave qui a fallu que ça s'assiste lui-même. Dave Morissette, il est pas genre dans ses comptes. C'est ça. C'était vraiment ça qui s'est dit dans l'entracte. On sait pas vraiment de secret. Non, pas vraiment, non. Jason Voix l'éveillé va mourir dans l'ancien camp. Qui? Dans un accident de crash d'hélicoptère pendant que Marina Orsini accouche à 50 ans. Ouais. Nice. Lui, il est venu chez Sport. Marina Orsini, est-elle enceinte? Non, elle essaye, puis ça marche pas. Ça. Non, à 60 ans, c'est très difficile. 60 ans. Ou la plupart du temps, ça se résume par un Mongol. Ben, ça fait le tour des questions du public. Ah, t'as dit un... Ah, excusez, c'est peut-être très péjoratif. J'aimerais m'excuser auprès de la déficience intellectuelle du Québec. Mais, dans le fond... On va faire un don au manoir Ronald McDonald là, ou quelque chose du genre. Non, sérieusement, j'ai les déficients à cœur. Le papillon bleu. On va faire... Le papillon bleu. Le papillon bleu, le Marc... c'est quoi, Marc-André Goualier? Le Hamburglar. Ah, le club des 100 watts? Non, mais il y avait l'affaire du papillon bleu. Meilleur McCheese. Ouais, moi, les papillons bleus. Ok, j'ai pas voulu insulter aucun enfant handicapé. Là. Ok, là, ça a sorti de même. Tu m'y occupes pas. Ah, puis c'est quoi? Bon, puis mangez tout de la merde. Il n'y a pas de trouble. Moi, avec, je l'aime bien, Jean-François Lisée. Bon, ben. À la prochaine. Voulez-vous finir sur quelque chose ou on finit ça direct de même? Là? T'as peu, Jeff? T'as peu. Faut que j'aille pisser. Eh bien, oui. En passant, non, Jason Roy l'éveillé, là, il est venu chez Sport Expert dans le temps, puis c'était sa deuxième saison de l'an 50. Puis oh moi, j'ai posé la question. Je dis, hey, Jason, puis cette année, t'as-tu plus de scènes? Ouais, j'ai plus de scènes de cul cette année. Puis un gars vraiment immature. C'est qui lui? C'est le gars qui fait Guy Lambert. Ah, c'est le fils de l'autre, là. Ah. Il est laid en tabarnak, ce gars-là. Bon, ben, il n'est pas fini son secondaire. Je l'ai vu au Ikea, lui, aussi, une fois. C'est une belle humanité. Il est tellement savoureux. On est comme éco-vedette. Fait que finalement, on est tous bien de laisser les micros ouverts pendant l'entraque. C'est plus intéressant que ça. Non, mais tabarnak, c'est délicieux comme fin de podcast. Ça finit sur les chapeaux de roue. Un peu. Bon match des étoiles. Ouais, on va mettre les épaules à la roue. Calmarotte était poche dans Fortier. Alors, c'était Guy Lambert. C'est l'avocat, come on. Qui ça? Karl Marat. Oh, excuse-moi, je me suis trompé avec elle qui faisait Jasmine. Tu sais, la police. Jasmine, là. Police, comme hey, genre mulâtre. De ben, c'est une noire. Julien Poulin. Elle était mulâtre. Elle était mulâtre, elle avait même l'air d'une blanche, mais avec une peau foncée. Oui, c'est vrai, avec des cheveux vraiment frisés. Mais je pense que son père était noir et sa mère était semi-blanche. C'est une haïtienne. Ok, c'est-tu confirmé? Alors, tu sais, c'est pas un donkey ou fucking show à TVA, man? Ah, Alex, c'est tellement. Mais non, mais là, on parle de l'autre, là. Alex, c'est ouais, Jason Roy l'éveillé. J'aimerais aussi qu'on fasse un don à TVA Sport parce que Éric Lavallée a donné un héritage vraiment de marde à TVA Sport. Qui? Éric Lavallée. Ouh, d'enfant! Ah, c'est le gars qui a inventé le concept de 110% puis que tout le monde utilise ça aujourd'hui. C'est un comme nous autres? Genre nous autres? Il vend des maisons, faites-y pas confiance. Hey, ben, call out, là. Pourquoi? Ah, j'ai déjà callé out. Non, mais t'as pas mis de gants, callis, là. Ah, tu call out, tu croches. Non, mais on s'en fout, là. On doit y revoler. Là, il est parti. Mais... tout ça pour non, mais call out les comme du monde, asti, là. Ben, gars, je vais prendre mon doigt, je te call out. Puis, tout ça pour dire qu'à TVA Sport, quand ils veulent analyser un jeu, ben, c'est rendu que Dave Morissette, Enrico Ciccone et l'autre gars que je me souviens plus c'est qui, ils se mettent debout avec un bâton, puis ils disent « Ah, tu sais, le but, là, lui, il était placé là. Non, non, il était là. Non, non, il était là. » Il manque d'argent, tabarnak, TVA Sport, ça fait bon, fait qu'on va finir sur le fait que Julien Poulin finit en chaise roulante dans Fortier. Voilà, j'ai scrappé toute une saison complète de Fortier. Ah, alors, il y a beaucoup de sexe dans cette série-là. C'était l'épisode 7 de la soirée du podcast. Je pense que ça va être bon, yeah.